Ici Mélissa Brézé et vous écoutez et ou regardez le dernier épisode de la saison de Donne ta patte. Donc comme vous pouvez le voir ou l'entendre, ça va être compliqué, voire encore... Comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le constater, exactement, merci Antoine. Nous sommes trois pour ce dernier épisode puisque j'ai réinvité les deux premières personnes que nous avons eues, à savoir Antoine Maille qui était l'épisode 1 et Boris de la Higuera qui était l'épisode 3 mais enregistré en deuxième. Si vous êtes perdu, réécoutez, vous allez comprendre. Moi-même, je suis perdu. Bonjour Mélissa. Bonjour Mélissa, on est aussi avec Mélissa quand même. Et avec oui. Mélissa Brézé qui était là pendant l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7, le 8, elle était là. Le 9, elle aussi. Est venue exceptionnellement pour le 10. C'est vrai. C'est vrai. Comment ça va? Eh bien moi, en tant que parrain officiel de cette saison 1, je suis ravi de pouvoir enfin revenir pour prendre un peu plus de temps pour discuter avec toi. Eh bien moi, en tant que parrain de la mafia, je suis très très heureux d'être là aussi. C'est un petit pointeur rouge qui vient se mettre sur le front. Excusez-moi. Eh bien, c'est parfait. Je suis très contente que vous soyez revenus. Parce qu'en plus, pour le coup, vous êtes les deux épisodes... C'est horrible ce que je veux dire. Un peu frustrant. Ah non, mais moi je suis complètement d'accord. Dans le sens où vous étiez les deux épisodes enregistrés en radio et donc nous avions un temps limité pour enregistrer, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc potentiellement cet épisode durera 3 heures. Voilà, vous êtes prévenu. En tout cas, félicitations de t'être dites-nous à partir de quel moment vous avez coupé. C'est filmé. Déjà. Quoi? Ah bon? Quelle information? Vous ne l'avez pas remarqué. Mais c'est où? Il y a une caméra là, une caméra là. Une caméra là? Oui, et dans les toilettes aussi, vous voulez. Ah, ok, bon. Ok. On ira par toilettes. Alors, a priori, normalement, on a tous les trois réécouté vos épisodes. On va revenir un petit peu sur plein de choses dont on a parlé dans vos épisodes. On va parler de plein de nouvelles choses aussi, notamment une que je préfère prévenir, c'est qu'on va beaucoup parler du confinement. Parce que, alors, moi étant la première à en avoir extrêmement marre d'entendre parler du confinement, il n'empêche que... On en reparlera plus tard, mais ça reste quand même nécessaire pour expliquer beaucoup de changements artistiques, et je pense que la vie de beaucoup de monde a changé depuis ce confinement et pendant ce confinement, et forcément, artistiquement, ça change beaucoup de choses. Vous avez aussi normalement réécouté absolument toute l'histoire que tout le monde doit continuer. C'est là où j'étais un peu mauvais élève. Je l'ai fait, mais en filigrane, quoi. Ça va, je l'ai en tête, hein. Voilà, ça va. Ça va, ouais. Et ben, on va la finir, cette histoire, tout simplement. Waouh, c'est... Il me tarde. C'était très sincère. Alors, déjà, on va faire une petite mise au point. Juste une mise au point sur les dernières de ta vie. J'ai essayé de faire un petit, soleil, un petit dessin différent sur mon papier chaque fois que Mélissa fait une référence musicale. Ok. Ah, cool, je vais en faire plein, comme ça il y aura plein de petits dessins. Très bien. Je vais commencer par toi, Antoine, vu que tu es le parrain de cette... Qu'est-ce que tu veux? Fallait être là dès le début, mon pote. Pour l'audio guide. Moi, on m'a appelé, je suis venu direct. À jeter l'éponge. Où en es-tu, Antoine, dans ta petite vie? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Que fais-tu en ce moment? Alors moi, je travaille toujours dans l'audiovisuel, donc j'ai pas quitté le domaine dans lequel j'avais commencé. Donc par rapport à l'année dernière, ça change pas. La grosse différence, c'est que j'étais en CDI et maintenant, je suis en intermittence. Ça change beaucoup de points sur ma façon de travailler. J'ai pas du tout le même temps de travail alloué à l'écriture ou quoi, par exemple. Depuis que je suis intermittent. Tu veux dire que t'en as plus? J'ai beaucoup plus de temps, j'ai beaucoup plus de disponibilité pour faire des tournages, etc. Donc ça a un peu changé ça. Mais sinon, je suis toujours le même. Et toi, Boris, où en es-tu dans ta vie professionnelle? Bah, nulle part. Très bien. Alors, excellent résumé de 2020 pour moi. Non, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'épisode? Bah non, mais en fait, oui, le confinement a joué beaucoup sur tout ce qui est boulot. Notamment sur le fait que... j'en ai très peu eu, par exemple. Oui. Non, mais en fait, puisque ce qui était, je suis intermittent aussi. Et ce qui était très frustrant, c'est que, comme beaucoup de gens, on avait plein de trucs de prévus. Moi, notamment, j'avais plein de trucs de prévus sur Mars, avril. Mais alors, pas sur la planète Mars. Waouh, j'ai eu la même. Exactement, je me suis dit. Waouh. Sur le bras long. Sur Pluton. Non, mais j'avais plein de trucs de prévus. Du coup, pendant cette période qui s'est avérée être le confinement. Et tous ces projets-là ont dû être soit repoussés, soit mis à la poubelle. Mmh. Et ça, ça a été un sacré coup dur. T'as eu des projets mis à la poubelle? Je sais pas si mis à la poubelle, mais en tout cas, pour l'instant, qui n'ont pas été faits, quoi. Donc peut-être qu'ils seront faits plus tard, mais pour l'instant, on a des trucs qui ont été déjà plus ou moins calés, là, à la rentrée, mais j'ai plein de trucs que j'ai pas recalés derrière, quoi. Donc je sais pas si ça sera fait ou pas, on verra. Mais en termes de boulot, oui, c'est sûr que bah, là, ça fait très très longtemps que j'ai pas bossé. Bon, là, j'ai de la chance parce que je reviens tout juste d'une résidence de théâtre d'une semaine, donc ça m'a fait du bien de me remettre. T'as eu un doublage aussi entre-temps. J'ai eu un peu de doublage, ouais, carrément. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était pas. C'était vraiment très peu de boulot comparé à ce que je fais habituellement, quoi. Il y a une autre raison pour laquelle je vous invite ici en même temps tous les deux, pas seulement parce que vous étiez mes deux premiers invités, mais parce aussi parce que... Parce qu'on est les préférés que... bah, prends ça, Anthony Lopez. De toute manière, vous faites partie des personnes, mes personnes préférées sur Terre, donc ça, il n'y a pas de... La question ne se pose pas. Je suis touchée. C'est mignon. Plus qu'un concept autour des dessins, c'est vrai. J'ai envie de dessiner, je dessine. C'est aussi parce que vous avez créé, il y a peu de temps, un podcast tous les deux qui s'appelle Premier Jet, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Ah, mais c'était avec toi. C'est, mais oui. Vous me dites si je me trompe, mais un podcast qui consiste à écrire un scénario en un court temps, a priori une heure et demie max, qui soit un scénario qui n'a pas vocation à être tourné, qui soit juste pour s'amuser. C'est même pas un scénario, c'est vraiment le premier jet d'un synopsis. C'est vrai, voilà. Donc oui. C'est l'histoire, quoi. On invente une histoire qui pourrait être un film. Avec plein de défauts et tout ce qui s'ensuit. Ah, oui. Énormément de défauts. Voilà. Et on tire trois contraintes pour nous guider sur ce qu'on doit faire. Voilà, pour nous lancer un peu. On reviendra là-dessus, mais il y aura évidemment les liens dans la description. C'est pour très, ce très, podcast, c'est très, très jeune. Hein, est... podcast. C'est très jeune, mais c'est très bien. Il y a quatre épisodes. Je vais faire plusieurs références aux épisodes qui sont passés, donc le 1 et le 3. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous conseille d'aller les écouter. Sinon, vous risquez d'être un peu perdu, parce que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tout réexpliquer à chaque fois, sinon on va perdre beaucoup de temps déjà, ça va être un épisode très très long. Donc dans le premier épisode, on parlait beaucoup de tes courts-métrages. En même temps, je fais que ça. De ceux que tu as écrits et réalisés. On va pas parler de mes concerts ou ma poterie, quoi. Non, mais on aurait pu parler de montage ou de plein d'autres choses. Yes. Là, je parle de toi en tant que réalisateur et scénariste. Des lasagnes aussi. C'est vrai que tu fais un chapitre là-dessus. Très bonne lasagne. Voilà, chapitre clos. C'était mon chapitre préféré. On a notamment parlé d'un court-métrage qui s'appelle Zèbre. Mm-hmm. Dont tu n'as pas beaucoup parlé, parce que c'était un point où on était un peu en mode non, enfin, on en parlera plus tard, parce que pour l'instant, trop tôt. Ouais, exactement, ouais, j'ai bien fait. Où est-ce que t'en es ? Ben, j'ai bien fait, parce que là, par exemple, sur mes notes, il y a écrit « Le zèbre avorté ». Avorté ? Ah ouais ? Non, il est écrit. Je suis en train de voir avec des gens qui me relisent un peu, pour voir dans quelle direction je peux le simplifier, parce qu'il est invisible, tel quel. Et je suis déjà en train d'essayer de produire un court-métrage depuis quelques temps. Et clairement, je ne vais pas me lancer dans la tentative de production de deux courts-métrages, quoi, parce que ce serait n'importe quoi déjà que j'arrive pas à en faire un. Donc du coup, le Zeb s'est avorté, mais par contre, je l'avais écrit un peu autour d'une actrice avec qui j'avais envie de bosser, et je lui ai réécrit un autre film, là, qui est beaucoup plus simple. Où y a... Parce que déjà, le Zeb, il fallait un Zeb déjà, tu vois, donc rien que ça... Ouais, ça, c'est pas ça. Possible. Il y a même pire que ça. Non, enfin, c'était vraiment une galère à faire, et moi, je l'avais écrit... Un peu parce que c'était une histoire qui me plaisait, etc., plus que pour vraiment imaginer le faire, alors que là, le dernier que j'ai écrit, je l'ai écrit pour le faire, et donc je l'ai simplifié, et je l'ai écrit de la manière que j'écris tous mes films, mais je l'ai simplifié pour, en termes de décor, en termes de réalisation et tout, pour pouvoir le faire. Donc du coup, c'est un peu mon substitut au zèbre, même si c'est pas du tout la même histoire, pas du tout machin, tout. Le zèbre est encore d'actualité dans ma tête, et c'est un projet que je laisse pas tomber, qui va être en réécriture bientôt et tout ça, mais pour l'instant, c'est complètement pas du tout dans les cartons de production, quoi. D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, quand tu écris, tu fais la différence entre quelque chose que tu vas écrire pour que ce soit produit et tu le réfléchis comme tel. Ah bah, et il y a d'autres trucs que... Bah, en ce moment, je suis en train d'écrire un long métrage qui est absolument infaisable en tant que tel, mais qui est une histoire qui me plaît énormément. Mm-hmm. Et du coup, bah, j'adore l'écrire, faire des recherches dessus, etc. Mais je sais que je le ferai peut-être jamais, tu vois. Ou du moins, pas avant longtemps. Mais ça me plaît aussi d'écrire, quoi. Donc du coup, je vais à fond dedans. Mais je sais que je le ferai pas et que du coup, si je veux tourner bientôt, du coup c'est deux exercices un peu différents. Si je veux tourner bientôt, du coup c'est plus mon côté réalisateur qui parle, je vais écrire un film exprès. Du coup tes choix ils vont se faire plutôt sur le coût de production par rapport à si tu veux sur de la grosse déco ou quoi, l'équipe nécessaire, la déco, tous les décors en général, s'il y a plein de décors c'est pas possible, s'il me faut un zèbre, bon bah c'est une galère parce que je sais pas comment un zèbre. Ouais, tous les trucs qu'il y avait dans le zèbre, les décors qu'il y avait dans le zèbre, etc., c'était compliqué. Ces changements de scénario en fonction du coût de la production du film, ça peut complètement te faire changer l'histoire ou ça va juste être une adaptation au moment de l'écriture, je parle. Pour le coup, le court-métrage qu'on essaie de produire vraiment, c'était un long-métrage à la base. Donc là, pour le coup, ça a tout changé, quoi. C'est devenu un court-métrage, l'histoire a énormément évolué. En plus, moi, j'avais pas envie de juste prendre, enfin, de juste le compresser en un cours, donc j'ai tout réécrit sous forme de court-métrage. Est-ce que c'est le court-métrage sur l'autisme dont tu parlais dans le premier épisode? Ouais, ce n'est pas que j'avais parlé de ça, mais ouais, On du n'a pas. coup. Ok. Et voilà. Mais pour le coup, le zèbre, c'est un court-métrage qui est trop dense, qui est trop éparpillé. Donc je pense que de toute manière, une réécriture pour essayer de retravailler ça, ça lui fera pas de mal, quoi. D'accord. Sur d'autres de tes films que tu as réalisés, enfin, de tes films, de tes courts-métrages. Il y a un truc qui revient très souvent à des courts-métrages, Ben je pense que voyons. tu vas savoir de quoi je vais parler. La fin du monde, la mort, la famille. Est-ce que tu ne prédirais pas l'avenir? Oh là Oh là. là là! Ça, c'était assez marrant. Ça, c'est... Oui. Ouais, bah, c'était bon, joli concours de circonstances qui, je pense, m'aide beaucoup là. On va peut-être en reparler de ça, mais c'est peut-être en ma faveur ce concours de circonstances. Oui, alors par contre, on va recontextualiser parce que là, du coup, c'est pas clair du tout. Bien sûr, j'ai, disons, une trilogie sur le confinement, sans faire exprès. Écrit bien avant. Mon film étudiant d'il y a quelques années, c'est l'histoire d'un père qui confine sa famille. Et depuis le dernier Donne ta patte, hein, je crois qu'ils n'étaient pas sortis avant. Depuis l'épisode 1, j'ai sorti deux nouveaux courts-métrages qui s'appellent Bar C'est vrai. et Je suis venu jusqu'ici. Bar, c'est l'histoire d'une jeune étudiante dont la ville est assaillie par une espèce de terrorisme chimique un peu bizarre. Donc il faut faire attention, porter des masques, des gants, pas toucher les barres des métros, etc. Donc ça résonne un peu avec l'actualité. Et le dernier résonne complètement avec l'actualité, c'est Je suis venu jusqu'ici, où c'est l'histoire d'une petite fillette, une petite patineuse qui a été invitée à un concours. Et quand elle arrive, le concours est annulé, tout est fermé, tout est vide, etc. Et donc au final, ça résonne grave avec l'actualité, avec différents points de l'actualité d'ailleurs. Donc c'était assez amusant de faire un rapprochement. Mais moi, je les ai écrits en réponse aux attentats, pas du tout sur la question Barre du aussi? secteur. Ouais, Barre aussi. D'accord. Barre, c'était sur la médiatisation du terrorisme. D'accord. Et Je suis venu jusqu'ici sur la réaction Oui. de l'intime. Et voilà. Et du coup, c'est marrant que ça ait résonné. Et le fait que ça colle avec l'actualité. Il y a pas mal de festivals qui m'ont appelé, qui ont sélectionné Je suis venu jusqu'ici et tout, donc je suis assez content. Oui, c'est cool ça. Ouais. Félicitations. Merci. Bravo. On Allez. n'a toujours pas compris la fin, mais en tout cas, Pire personne. Ok, et ben merci beaucoup. Bah, je t'en C'est prie. Concis, je peux pas faire clair, plus. clair et concis, hein. Je peux faire plus concis. Tout comme à l'inverse de tes films. L'inverse de la fin de tous tes films. Je déconne, hein, je déconne. Hein. Franchement, les films d'Anthony sont très bien. Allez les voir, ils sont vraiment très très bien. Dans le premier épisode, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a marqué et que j'ai noté. C'est que tu disais que tu cherchais encore ta manière d'écrire et ce que tu aimes écrire. Ça te dit quelque chose ou pas? Tu veux que je recontextualise un petit peu? Si j'aime écrire, j'ai dit ça. Non. Ce que j'aime écrire. Que tu Ah, ce que cherchais ce j'aime que écrire. toi tu aimes Oui, écrire d'accord. et quels étaient les Alors. fondements de ce que tu aimes écrire. Tu te souviens de ça? Ouais. Est-ce que depuis tu as l'impression d'avoir un peu plus trouvé ta manière d'écrire à toi qui te plaît? J'ai pas trouvé la manière d'écrire. En tout cas, je pense que c'est un peu plus clair dans ma tête ce que j'aime écrire et ce que je veux faire, et ce que je veux raconter comme histoire. Le confinement y a été pour beaucoup, en tout cas. Enfin, le post-confinement surtout. Mais ouais, oui. Le fait de savoir un peu plus ce que tu aimes écrire, ça te permet de... Ma question est nulle, mais de mieux écrire entre gros guillemets, de ton point de vue, évidemment. Bah, évidemment, puisque en fait je me rapproche de plus en plus des histoires que je veux raconter, donc je sais pas si c'est mieux écrit, mais en tout cas c'est plus des trucs que moi je veux raconter et c'est plus. En fait, c'est de plus en plus personnel. En fait, c'est surtout ça le gros travail qui a été fait suite au confinement en moi-même et Bah, dans mes allez, créations. rentrons à fond là-dedans. Ça a été Allez. plus. Je suis parti d'une personne qui essayait d'écrire surtout des histoires. Une structure très importante, voilà, que la structure soit Oui, importante, oui. que l'histoire en elle-même soit importante, et je laissais un peu de côté les personnages, enfin je les laissais pas de côté, mais en tout cas les personnages étaient moins développés, etc. Alors que de plus en plus je me rends compte que les personnages sont de plus en plus le fondement même des histoires que je veux raconter, les émotions, la psychologie des personnages sont beaucoup plus ce que je veux raconter, puisque de plus en plus en fait je me suis ouvert à ma propre psychologie, à ma propre vie, à ma propre, mes propres émotions, etc. Et en me rendant compte de ça, je me rends compte que, en fait, ce que non, ce que je veux raconter, ce que je veux faire passer, c'est des émotions. Et je ne peux pas faire ça en me concentrant essentiellement sur l'histoire. L'histoire, elle va arriver dans tous les cas, peu importe ce que je vais raconter. Mais ce qui va être important, ça va être les personnages et leurs émotions et ce qu'ils veulent vivre. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. Mais voilà. Il y a autre chose dont on n'a pas forcément... Alors, on a peut-être... Non, je crois pas qu'on en ait parlé, toi, dans ton épisode, mais duquel j'ai envie de parler principalement avec toi, parce qu'Antoine, ça te touche moins. Waouh. Comment tu connais ma vie? Ça aussi, c'est très drôle, tiens. Dans le premier épisode, à un moment, je sais plus ce que je dis, et je dis non, mais je te connais pas assez pour savoir ça, et maintenant, je me dis mais... Mais enfin... Mais... C'est quoi, il s'est passé un an. Mais c'est ça aussi, c'est ça qui est fou. Hein. Pendant ces un an, on s'est énormément rapprochés aussi. Hein. Quelque chose qui... Alors, qui, pour le coup, nous est commun, mais qui... Ça m'intéresse d'entendre ton cerveau là-dessus. J'aimerais bien qu'on parle de la multiplicité des médiums comme nourriture créative. What? Moi j'imaginais des gens qui disent dans l'avenir et tout, qu'il y en a plusieurs autour de la table. Avec des turbans, je sais pas pourquoi ils ont des turbans. Donc la multiplicité des médiums comme nourriture créative. Oui. Alors pour le coup, je parle pas forcément de Twitch qui est plus. Je pense que tu l'as peut-être pas fait dans la même démarche au moment où tu as décidé de le faire. Oui? De toute façon. Tout ce que je faisais avant, il y a genre un ou deux mois, je le fais plus du tout de la même raison maintenant. Je me suis rendu compte, notamment suite au confinement, je faisais, comme tu dis, beaucoup de choses un peu partout. Mm-hmm. Donc je me suis mis à Twitch, je fais du dessin depuis longtemps, je fais du scénario, donc YouTube, de podcast notamment aussi. J'ai fait une fiction audio. Enfin, ouais, j'ai fait plein de choses. Et il m'est arrivé du coup, durant le mois de juillet, de ne plus avoir envie de rien faire. De vraiment plus du tout envie de... Ouais, je me mettais devant mon ordi et j'avais vraiment des boules au ventre, des angoisses à l'idée de faire quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que je les faisais pour des mauvaises raisons. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, quasiment, je l'ai fait pour... D'abord le plaisir, parce que ça me faisait plaisir de le faire, mais il y avait quand même une grosse partie en moi qui faisait ces choses-là en ayant un but derrière qui était celui de la gratification personnelle. De je fais des vidéos sur YouTube pour avoir des vues ou des abonnés, pour qu'ensuite on puisse me voir, pour que ça puisse être genre une vitrine ou quelque chose comme ça. Je fais un podcast audio pour que ça marche. Je joue dans un court-métrage pour avoir des images dans mes bandes démo. Il n'y avait pas que ça, évidemment. Il y avait plein d'autres choses. Oui, tu es plein d'autres choses, tu vois. Mais en fait, je me suis un peu rendu compte que cette raison-là était un peu trop importante dans ce processus. Et c'est une des raisons pour laquelle on a fait, pour laquelle j'ai lancé Antoine sur Premier Jet. Parce que justement, je voulais un peu me séparer de ça. Je voulais vraiment faire quelque chose juste pour le plaisir de le faire. Et sans avoir d'attente, sans avoir de but, de statistiques, de quoi que ce soit. Juste parce que voilà, ça nous fait kiffer et ça nous fait marrer de faire quelque chose. Et ça a été aussi un des gros, gros changements en moi. C'est l'idée de me dire que, en fait, non, le fait de... Tout le plaisir que tu vas mettre à faire un objet, une vidéo, un podcast ou quelque chose, tout ce plaisir que tu mets à faire quelque chose, en fait, il va être détruit si ton objectif derrière, c'est d'attendre une statistique ou attendre... un bravo ou attendre quoi que ce soit, parce que bah, si tu l'as c'est cool, mais si tu l'as pas, bah, en fait ça va te casser direct quoi. Et alors qu'en fait t'as vraiment pris du plaisir, tu vois, à le faire, ton truc, ton tournage, ton écriture, t'auras pris du plaisir à le faire, mais du coup si derrière t'as pas ce que t'attendais, bah ça te démoralise encore plus que si tu te dis de base non, je le fais parce que j'ai envie de faire cette œuvre et pas parce que j'attends quelque chose derrière. Et donc, est-ce que maintenant, le plaisir que tu as à créer, c'est devenu ta finalité ? Bien sûr. En tout cas, je ne sais pas si j'en suis à ce point-là, mais en tout cas, c'est ce que je tends à faire chaque fois que je fais quelque chose. Et après, c'est tout le paradoxe d'être un artiste professionnel, entre guillemets, quoi. C'est qu'en fait, d'un côté, tu es censé te libérer de toutes ces attentes et de faire ton art pour le plaisir de l'art. Et d'un autre côté, bah, tu es quand même censé vivre de ton art, donc tu es quand même censé te vendre, vendre tes projets, attendre justement des retours et faire des choses qui marchent et qui se vendent. Donc c'est toujours. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de trouver une espèce de. Ouais, d'entre-deux, de balance entre le plaisir de faire quelque chose et le fait de recevoir derrière ce que tu attends, quoi. C'est quoi ton rapport à toi, Antoine, vis-à-vis de ça ? Moi, j'étais déjà sur la finalité de la création, du plaisir de créer. Moi, j'ai jamais, j'en ai toujours eu un peu rien à foutre de ce que mes films allaient devenir. Ce qui me faisait plaisir, c'était de les faire, de pouvoir les montrer à des gens, de voir si ça leur plaît et tout. Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que aussi c'est pas forcément dû au fait que dans tous les cas, si tu n'écris pas de film, tu peux vivre parce que tu fais du montage Ah oui, notamment. moi c'est pas mon métier, c'est sûr. Oui. Moi, Non, non, j'ai des non, questions que non, je me mais je pose veux au fur et dire à mesure, hein, que j'ai pas. comme mon métier il est technique, j'ai pas à me soucier de ça. J'ai pas à me dire, putain, si j'écris pas, j'ai rien à présenter, tel ou tel. Enfin, je sais pas, tu vois. J'ai pas du tout à me soucier de ça. Moi, écrire, c'est vraiment un hobby, en fait, un plaisir à côté de mon métier. Donc, ouais, c'est sûr que pour moi, c'est complètement différent. Alors que Boris, c'est pas le cas. Bah en fait c'est un peu le souci, c'est qu'en tant que comédien déjà c'est compliqué de jouer, donc du coup tu écris des trucs pour pouvoir les jouer. En fait il te faut une bande démo pour pouvoir, enfin c'est très compliqué pour le Mais coup, en moi fait, je je suis pense que complètement tout le perdue dans problème, ce... il est parti de ça. C'est qu'en fait, j'ai commencé à écrire pour jouer dans des choses, Voilà, tu pour vois, pouvoir te faire une bande pour pouvoir me démo, faire une pour bande pouvoir démo, avoir du pour travail. pouvoir me montrer, pour montrer ce que je suis capable, etc. Et en fait, je pense que du coup, vu que tu pars dans cette dynamique-là de base, j'ai un peu perdu la raison pour laquelle je faisais des choses. Et en fait, le fait d'avoir trouvé tout ça, de m'être trouvé déjà moi dans l'écriture de ce que j'aimais écrire, de ce que je veux, de ce que je veux raconter et des émotions que je veux faire passer. Déjà ça te chamboule un peu tout ce que tu veux faire en tant qu'artiste. Et en plus, le fait de te rendre compte que tu déprimes 100 fois plus à l'idée qu'il n'y ait personne qui regarde ton truc derrière, Ouais. alors qu'en final, tu as vraiment passé un super moment à le tourner, c'est trop triste en fait, et ça ne devrait pas être le cas. Donc on a aussi parlé un petit peu du dessin, dont on n'avait pas parlé d'ailleurs dans ton épisode. C'est vrai. Alors qu'on En même temps, sortait on de n'avait l'Inktober. pas. Non, mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Non, c'était en septembre que c'était enregistré. Ah oui, d'accord. C'était avant. C'était Donc à peu près il y a un an en fait, c'était il y complètement. a complètement Ah un putain, an, hein. c'était C'était il y un a complètement an. un an. Incroyable. Donc tu fais du dessin, tu as fait un peu de collage aussi pendant le confinement. Ouais, très peu, mais ouais. Mais tout ça, c'est un rapport qui est complètement différent parce que du coup, ça ne peut pas te servir de vitrine en tant que Non, comédien. vraiment pas. Quel rapport tu as à ces techniques artistiques-là? Ah là là là là. Eh bien, alors, le collage, c'est un exemple intéressant parce que justement, le collage, ça a été un peu ma porte d'accès vers cette pensée de en fait non, on fait l'art pour faire de l'art et pas dans un but externe. Parce que justement j'étais un peu déprimé et tout suite au confinement et je me suis dit bon j'ai vu une pote sur Instagram qui faisait du collage. Elle On fait peut en on peut la parler, c'est citer. Mathilde Ah ouais, c'est Sercec qui Mathilde a été dans Sercec, l'épisode 2. Mathilde Sercec faisait du collage sur Instagram et je me suis dit bah vas-y, ça a l'air marrant. Et j'avais besoin d'un truc à faire, je sais pas, autre chose quoi. Du coup, je suis sorti, je suis allé acheter des magazines et je suis revenu et puis j'ai passé mon après-midi à faire du collage, quoi. Et sans autre but que de faire du collage. Et c'était très très reposant parce que déjà c'est très relaxant de découper tes petits bonhommes et d'essayer d'agencer le truc pour faire un truc joli et de savoir ce que tu veux vraiment faire. Enfin, vraiment, c'était très très reposant en fait. Et c'est un peu ce qui m'a fait comprendre que, wow, mec, en fait, tu prends beaucoup plus de plaisir en juste faisant quelque chose pour toi et que tu vas pouvoir accrocher chez toi ou quoi, plus que de faire un truc avec la pression de te dire, ah putain, il faut vraiment que les gens aiment bien. Je sais pas, D'accord. je suis Si, perdu très dans ma bien. Mais du propre. coup, laissons le collège de côté, parce que Oui. le collège, t'avais tellement, ou t'as pris conscience de ça. Oui. Je sais que, pour connaître ta salle de bain, parce que nous sommes en train de filmer chez Boris, donc je Mais non, connais c'est le studio de Premier G ce que tu as salle acheté. de Le studio d'enregistrement de Premier G. bain. Dans ta salle de bain, tu as fait un tampon en linogravure, par exemple. Oui. Tu l'as fait vraiment dans le but de faire de la déco dans la salle de bain. Oui. Et du coup, ton approche au moment de la linogravure. J'y connaissais rien. Oui. J'en avais jamais fait. Oui. Un peu comme Céline. C'était un peu le même rapport à ça, en fait. Je voulais Pardon, faire. je recontextualise. Céline, épisode 10, l'épisode qui était juste avant. Ouais. Où elle parle justement de son approche à la linogravure. Moi, c'était la même chose. J'avais cette idée, je voulais faire des carrelages un peu à Comment la on dit des portugaise. plaques de ciment? Non, c'est pas ça exactement. Comment on C'était dit? des Des carreaux de ciment. azulejos, normalement, c'est le vrai nom. Donc, Mais en français, dans les j'avais magasins de aucune bricolage, ça idée. s'appelle des carreaux de ciment. Mais bon, très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc qui est très portugais et avec un style un peu comme des fleurs. J'en sais rien. Bref, voilà, je voulais faire ça dans la salle de bain parce que notre salle de bain est dégueulasse. Oui. Et du coup, je voulais un truc un peu stylé. Et du coup, je voulais faire ça. Et sauf qu'évidemment, je pouvais pas remplacer les carrelages en eux-mêmes. Du coup, je me suis dit, bah là, j'ai fait un tampon et puis je vais tamponner les carrelages. Et là, du coup, je suis sorti, je suis allé bah, exactement comme Céline, je suis allé au musée des Beaux-Arts. Non, au Géant des Beaux-Arts, j'ai trouvé un machin linogravure de base, quoi, truc débutant. Et puis, puis je commence à creuser et voilà quoi. Mais oui, sans mais... autre but de. Voilà quoi. De redécorer, c'est ça. Ouais. T'en as déjà refait depuis ? Non. Et ça te tente ou pas ? Ouais, mais c'est bien relou à faire quand même. C'est très long de creuser et tout. J'en referais peut-être, mais je sais pas. Mais comme je referais peut-être du collage, tu vois. Mmh. Mais là, c'est vrai que j'avais vraiment un but en tête de faire ça. Donc je sais pas, ça m'avait motivé. Mais... Donc vu qu'on est sur la même démarche que le collège, qui est quelque chose pour toi, on va vraiment mettre le dessin de côté, parce que du coup, c'est encore différent. Ouais, c'est très différent. Est-ce que c'est... parce que le fait de toucher à des matériaux différents en créant, est-ce que ça peut t'inspirer dans d'autres trucs artistiques, des fois ? Non, moi, je pense que, dans tous les cas... Bon, après, moi, c'est une expérience que j'ai eue qui était un peu différente, parce que c'était pas tout à fait le même exercice. Mais je pense que, dans l'art, toujours prendre l'art d'une nouvelle facette, ça va toujours te permettre de faire évoluer ce que tu pensais déjà comme acquis ou ce dans quoi tu es le plus à l'aise, etc. Par exemple, si moi, je me mets à faire de la peinture, je pense que ça va changer ma manière de voir le cadre ou des choses comme ça. Mmh, et, moi, je l'ai vu... Enfin, je l'ai vu. Pas vraiment. Mais j'ai réalisé un documentaire où je me suis complètement émancipé de la technique, alors que d'habitude, je sais quelle caméra j'utilise à l'avance. Tout le processus technique, c'est moi qui le gère de A à Z, etc. Et le documentaire que j'ai fait, c'était un documentaire sur le confinement où tout le monde avait le droit... Raconte un petit peu ce documentaire, déjà. J'ai demandé sur Instagram, par pur ennui, pendant le confinement, comme tout le monde, je me faisais chier, et j'ai demandé à tout le monde de se filmer, n'importe qui, de se filmer pendant son confinement, de prendre des images, de me les envoyer, et moi, je ferai un montage de ça derrière. Et c'était la première fois que j'allais monter un projet où j'étais réalisateur en quelque sorte, où j'avais toute la réalisation, m'incombait, mais sans que je filme quoi que ce soit, sans que je choisisse, n'écrive quoi que ce soit à l'avance et tout. Je choisissais à peine les gens qui participaient, puisque un peu tout le monde avait relayé mon truc, et il y avait des gens que je connaissais pas du tout qui ont participé. Et ça m'a forcé à m'émanciper complètement de la technique. Et donc, du coup, je pense que c'est un peu le même principe que de changer un peu de facette de l'art dans l'art. C'est c'est comme si j'avais un tout nouveau matériau, en fait, mais en montage. Et du coup, ça m'a complètement fait changer d'avis sur ma façon de voir la technique dans mes films et la place de l'acteur, etc. C'est intéressant, ça. Quand j'ai avorté le zèbre et que j'ai choisi d'écrire un nouveau film pour cette fameuse actrice... je suis parti de ce principe-là, de me dire je laisse complètement tomber la technique, j'ai juste envie de parler avec mes acteurs. D'accord. Et voilà. Bah oui. Mais ouais. Penses-tu ? Non, mais carrément, oui, ça change tout. C'est voilà. Et je pense que ça, ce qui m'est arrivé là avec cette histoire de montage et de nouveaux matériaux en quelque sorte, moi c'est un chamboulement pour moi parce que j'étais un peu frigide sur la technique, etc. Mais je pense que c'est un peu la même chose. Frigide Barjo. Rigide, j'ai dit non, j'ai dit faux. Le vrai terme était rigide. Bref, j'étais un peu rigide sur la technique, etc. Ça m'a complètement émancipé de ça. Et maintenant, j'ai envie de tourner à l'iPhone, tu vois, j'en ai rien à foutre. Pas tout, mais bon. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que si je me mettais à la sculpture ou à la peinture ou quoi, pareil, ça m'émanciperait sur le matériau et ça me ferait voir des nouvelles perspectives qui me donneraient envie dans l'art où je suis le plus à l'aise ou lequel je développe un peu plus moi-même. D'évoluer dedans, quoi. De le changer, d'aller vers ces nouvelles choses que j'ai découvertes, ces nouveaux sentiments, ces nouvelles sensations que m'ont apporté telle ou telle facette de l'art que j'essaye pour les ramener à un truc où je suis plus confortable et évoluer là-dedans, quoi. Mais du coup, c'était une question pour toi, Boris. Non, mais c'est très bien, du coup. T'es sorti des ronces, maintenant. C'est intéressant ce que tu dis. On pourra mettre tes petits dessins en show notes. Pourquoi une carotte ? Moi, je pense que de toute façon, tous les arts sont liés, tu vois. Moi, j'avais tous les arts, genre le roi des lézards qui était là dans les arts. Tous les arts. Tous les arts nés avec une queue, peut-être potentiellement arrachée. Voilà, j'avais ça en tête, il avait une vieille barbe de lézard et tout. Je dessinerai un lézard tout à l'heure. Ah oui. Mais tous les arts sont... Ça, oui, mais en fait, c'est juste une question de sensation, là. De saucisson. De sens. Le lard. ce podcast, c'est des lézards et des saucissons. Non, mais je pense que lézard, c'est toujours la même question de sensation, de sentiment, etc. Mais oui. Donc, du coup, ton médium, il va juste te faire évoluer ta façon. Ton matériau, le matériau que tu vas utiliser pour ton art, il va te permettre d'ouvrir tes perspectives. Mais bien sûr. De sensations. Évidemment. Et de prendre une plus pleine conscience de ce que tu as envie de raconter, de tes sensations. L'autre jour, on m'a demandé de faire un exercice de jeu. J'ai fait un stage de jeu. Et on m'a demandé un exercice et on m'a dit voilà, il faut que on m'a donné un texte. Et l'exercice c'était de se dire OK, si le texte était dit par une peinture, quelle peinture ça serait, tu vois. Et du coup, c'était très intéressant parce que bah déjà tu connais pas 1000 peintures. Et c'est très c'est ultra bizarre, quoi, comme oui, parce qu'en manière plus, de penser. Tu peux même choisir, tu vas avoir tendance à vouloir choisir une peinture avec un personnage pour te rapprocher à ce que tu connais de la voix et tout, alors qu'en fait, il faut t'émanciper de ça, etc. Exactement. Et du coup, c'était super intéressant parce que du coup, bah, j'ai passé une heure sur Google à scroller des peintures en train de me dire, ah putain, ça c'est intéressant. Et là, d'un coup, paf! Mais ouais, c'est ça, parlé. Exactement. Et du coup, tu scrolles, tu tombes sur un truc, t'es là, ah putain, ça c'est super intéressant, ça me parle de ouf et tout. Je la garde en tête et tout, tu cherches autre chose. Et du coup, c'est super intéressant parce que tu pourrais pas comme ça te dire, ah bah en fait, un texte, si ce texte-là c'était une peinture, qu'est-ce que ça serait? Bah, juste de te dire ça, c'est là à quel point tu te rends compte que tous les arts se complètent et tout est lié en fait, parce que dans tous les cas, l'art, c'est les émotions mises sur un truc physique, quoi. Et tu pourrais te dire la même chose avec bah, si ce texte c'était une chanson, qu'est-ce que ça serait, enfin c'est vraiment et pareil, enfin moi je fais des trucs, même quand je bosse un rôle par exemple, je fais souvent des playlists où genre je bosse un rôle et tout, je me dis ok, si le personnage devait faire une playlist, qu'est-ce qu'il écouterait comme musique, ou les musiques auxquelles me font penser l'histoire, l'univers, le... Oui, parce le que truc. Si je peux me permettre de parler à ta place, il me semble que tu fais ça aussi quand t'écris. Je sais plus si on... Je crois pas que t'en oui, parles si, complètement. Ouais, mais si je peux me permettre de parler à ta place, il me semble que tu fais ça quand tu manges. Et juste avant d'être couché. Et quand tu fais le ménage. Pendant la douche aussi. Mais oui. Et non, dans la playlist. Oui. sur Spotify. Non, mais pour écrire, je le fais aussi. Genre là, le truc que je suis en train d'écrire en ce moment, je suis en train de faire une playlist à côté. Dès que j'entends une musique qui me parle, un truc, je le mets dedans, comme ça je peux réécouter le truc pendant que j'écris, ça me met dans le bain. Donc la musique, c'est ultra puissant pour ça. Mais pareil, je l'avais fait pour Hadès. Je reprécise donc qu'Hadès est le court-métrage qu'Antoine, tu as réalisé l'été dernier, dont on a parlé dans ton épisode. Ah oui, c'était l'été dernier. C'était en juin exactement, putain, puis il a été tourné. Ça, ouais, pour lequel donc Boris était comédien et que moi j'étais assistante. Déco ouais. De Sophie Saccaro. C'est là où on s'est rencontrés. C'est là où... Non, nous, on s'est rencontrés avant. Bah nous, on s'est rencontrés là. Oui. Ouais. C'est pour dire que du coup, j'avais fait une playlist sur cette œuvre-là. J'en fais beaucoup en écrivant aussi. Et voilà, donc pour répondre à ta question, oui, évidemment que tous les arts... Ne t'énerve pas, enfin. Mais évidemment. Mais évidemment que tous les arts. Mais évidemment. Mais y'a rien là-dedans, quoi. Si, on parle comme ça avec toi. Mais tu dois que comment. Non, mais oui, voilà. Oui. Oui, oui, est-ce que ça, ça répond à ta question? Moi je trouve que oui. Ce que j'ai noté, une question qui est: qu'est-ce qui a le plus évolué dans votre manière de créer depuis votre épisode respectif? Ah bah attends, alors là. Et la seconde étant: comment est-ce que le confinement a joué sur votre processus créatif? Et je pense que tout ça est lié. Donc parlons-en. Toi, on a un petit peu parlé déjà de ce qui a évolué depuis. Au-delà de l'écriture, dans ton jeu d'acteur, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis l'épisode 3? Donc depuis septembre dernier, septembre 2019. Je sais pas, c'est un peu compliqué là parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Mais de toute façon, c'est sûr, à partir du moment où toute ma personnalité a changé en quasiment un an, évidemment qu'il y a des choses qui ont changé, tout mon rapport aux émotions, c'est plus du tout la même. Oui, évidemment. Mais le problème, c'est que là, ça fait un moment que j'ai pas pu le mettre en pratique vraiment. À part là, vraiment c'était une semaine de résidence, mais c'était plus une approche de texte et plus, enfin voilà. C'est oui, mais j'ai envie de vraiment mettre tout ça un peu en pratique et voir vraiment à quel point ça a évolué. Je sais que l'écriture, oui, parce que j'ai pu le faire, j'ai pu le mettre en pratique, mais le jeu, j'ai pas eu vraiment d'occasion de jeu depuis. Mm-hmm. Donc, Et donc toi, comment ça a évolué tout ça depuis l'année dernière ? Bon, bah déjà, cette histoire de documentaire, oui. Comme je disais, le fait d'avoir écrit... C'est la première fois que je me confronte au style documentaire. C'est faux. Bon, bref. C'est la première fois que je réalise un documentaire de 52 minutes tout seul. C'est la première fois que je reçois des images que j'ai pas tournées moi-même. C'est la première fois... Enfin, bon, bref, c'est la première fois pour beaucoup de choses et ça a complètement chamboulé ma façon de voir l'écriture, etc. Ben, en fait, il a toujours été en constante évolution vers du mieux. Donc là, je suis content c'est de... C'est plutôt positif. Je suis content de l'évolution que j'ai eue en écriture parce que je me suis bouffé quelques bouquins de théorie qui m'ont permis de mettre des mots sur des concepts, etc., que j'essayais de capter. Donc là, donc ça, c'est cool. Et moi, sur quoi je dois me concentrer, c'est qu'est-ce que je veux que mes dialogues racontent et comment mon histoire évolue grâce aux dialogues, etc. Et comment les dialogues sont un outil de mise en scène et pas un outil d'évolution du scénario. J'ai réussi à extérioriser tout ça et du coup je suis assez content de ça. Le dernier court-métrage que j'ai réalisé, le tournage s'est très très mal passé. C'était Barre. Donc je reprécise juste que Barre, donc est celui dont on parlait tout à l'heure, donc le court-métrage où il y a du terrorisme chimique dans la ville et qu'on doit mettre... Enfin, c'est à l'échelle nationale d'ailleurs, mais... Dans la ville, oui, non, oui, pour le tout coup, à fait. Ça se passe dans petite ville. Voilà. Voilà. Et du coup, ce film-là, ça a été une énorme frustration pour moi, parce qu'il y a plein d'éléments que je voulais, que j'ai pas pu avoir pendant le film, pour le film, etc. Donc, au final, je suis très content du résultat, c'est pas du tout le souci, mais par contre, la production a été chaotique, et ça m'a pas du tout aidé à me relancer dans une autre production. Et du coup, je suis parti de la fiction, et je me suis dit, je vais faire des trucs tout seul maintenant, pas me faire chier avec des techniciens qui veulent pas venir. Du coup, j'ai une bande de potes qui s'appellent, enfin qui ont un groupe de musique qui s'appelle Néon. Oui. Qui écoutez m'ont... les musiques, c'est très bien. Allez voir dans la description, il y a un lien. Et ils m'ont demandé de leur faire un clip parce que on est super potes et qu'ils aiment bien mon travail. J'adore ce qu'ils font. Et j'utilise souvent, enfin j'utilise leur musique. Dans Barre se termine sur un de leurs sons, par exemple. Et je leur ai fait un clip et j'ai fait tout seul. Je suis arrivé avec ma caméra, on a pris des images et puis après c'était beaucoup du montage, ces effets, tout ça, mais j'ai fait tout seul. Et j'ai trop kiffé, j'étais trop content de pouvoir prendre ma caméra à l'ancienne et aller faire mes petits trucs tout seul, machin. Et ça m'a trop donné envie de faire que ça. Et du coup, j'ai écrit un faux documentaire qui s'appelle, enfin, qui parle du rire. Et je le fais un peu mollement, quand je peux, quand je veux. Je prends ma caméra et je filme des petits bouts de trucs pour illustrer mon documentaire, quoi. Et j'adore, c'est vraiment mon kiff total, quoi. Je laisse complètement tomber tout le côté relou de la technique et de l'orga pour juste faire mon petit délire tout seul de mon côté. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même si ça foire, et en même temps, je peux être fier de moi si je réussis. Donc je suis très content. Et tout ça, c'était juste avant le confinement. Donc pendant le confinement, il y a eu ce fameux documentaire où pareil, j'ai tout fait tout seul, machin et tout. Et là, j'en arrive à un point où j'ai envie de reprendre la fiction. Et j'ai toute cette expérience de vouloir m'émanciper de la technique, de vouloir tout faire tout seul et tout machin... des bouquins, d'écriture, etc. Tout ça se chamboule pour arriver à là maintenant les films que je suis en train d'écrire et que j'ai envie de tourner, le long métrage que je suis en train d'écrire qui est, dont je suis hyper content, etc. Et voilà, donc tous ces éléments ont fait que ma façon d'écrire et de voir la production a complètement évolué, a complètement chamboulé. Voilà, je me souviens plus de la question, j'espère que... Non, c'était très bien, en effet beaucoup de choses qui ont changé, du coup, c'est très très bien. Un des trucs... pour moi aussi qui a changé, c'est que je me suis rendu compte que chaque fois que j'écrivais quelque chose, souvent j'avais dans l'idée de le mettre sur YouTube. Mm-hmm. Et peut-être par peur ou par par peur de pas avoir je sais pas de pas pouvoir l'envoyer ailleurs ou quoi, enfin je sais pas, parce que ça, par exemple peur du rejet ou peu importe. Et c'est très réconfortant, c'est un peu la zone de confort. YouTube, c'est le fait de... Bah, comme tu disais, toi, en fait, on fait les trucs tout seul, et puis c'est fini, tu vois. Et je me suis un peu rendu compte que, justement, ça allait dans le sens de ce côté un peu malsain. Le problème de YouTube, c'est qu'il il t'affiche en gros, en très très gros, le nombre, toutes les stats que t'as, le fait que personne regarde ce que tu fais et que personne te suit. Et donc c'est très déprimant en fait. Et du coup je me suis rendu compte que en fait non, là je commence à en avoir un peu marre de ça, même si YouTube il y a plein de trucs qui sont cool là-dessus. Le fait de... Là, j'ai très envie aussi de passer à un niveau au-dessus, de pas faire des choses pour YouTube ou pour le faire entre nous, même si c'est toujours trop cool et je pense que ça restera un truc que je vais continuer à faire parce que il faut toujours faire des trucs et c'est toujours important. Mais j'ai aussi envie de passer à un stade au-dessus, commencer à envoyer des choses de manière professionnelle et voilà. Ok. Là, c'est le moment de parler de l'écriture à deux. Ah, c'est intéressant, tiens. On en a évidemment parlé dans vos épisodes respectifs, oui. Puisque à l'époque, vous aviez tout juste commencé à écrire ensemble pour les premières fois. C'est ça, hein, je me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est surtout que c'était même pas encore ce qu'on fait maintenant. Non. Ouais, c'était encore, juste oui, vraiment encore un peu de réécriture sur des Boris et des Ouais, puis même et encore, c'était... Il y avait juste eu, du coup, le moment où tu parlais de trucs que vous aviez écrit, vous deviez mettre 20 minutes et qu'en fait vous aviez passé 3 heures. Ouais, ouais, ça c'est vrai, je m'en souviens. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses que vous avez commencé à écrire ensemble. On va revenir un peu plus dans les détails là-dessus aussi. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose qui est très... enfin, moi qui m'a un peu mis la puce à l'oreille en réécoutant vos deux épisodes hier soir. C'est que vous dites tous les deux, à des moments différents, on n'est pas en train de parler de la même chose, on n'est pas exactement dans le même contexte, mais vous dites tous les deux la même chose, c'est qu'il y a un truc qui vous énerve, c'est quand vous regardez un film en tant que spectateur, c'est de voir les mathématiques dans le scénario. Putain, ça, c'est hyper intéressant qu'on aborde ça. Oui. C'est-à-dire que quand vous voyez l'aspect technique derrière, que voilà, c'est un schéma assez habituel, ça vous agace. Ouais. Vous l'avez dit tous les deux. Ouais. Moi, j'écoute premier jet. Oh, une fidèle auditrice. Incroyable. Tu veux un autographe, quelque chose? Ouais. Je suis parrain de Donne ta passe, moi, donc. C'est la saison 1, en fait. C'est pardon. Je profite-en parce que c'est bientôt fini. Oui. Bah, c'est mon dernier coup de parrain, là. Tu feras toujours partie des parrains. C'est comme les parrains de la Starac, on ne les oublie jamais. Waouh. La ref est quand même... Yes. Attends, il y avait Elton John, quand même. Donc, 2004. Il était ref de la Starac en 2003, oui. Waouh, waouh, waouh. Quelle chance. Mais parlons de ça, parce que... Parlons de la Starac. Non, mais je sais pas, là, c'est quoi premier jet, premier jet, pour le coup, tu vois, elle nous met en parallèle le fait qu'on n'aime pas voir les maths. Ça te parle, ouais. Pardon, j'ai un petit diablotin machiavélique dans la... Non, mais je comprends tout à fait, je sais exactement où tu vas, et t'as totalement raison, j'adore l'idée. Elle nous a mis en parallèle le fait qu'on ait tous les deux dit qu'on n'aimait pas voir les maths dans les scénarios, construction, etc. Et d'un autre côté, elle nous parle de premier jet, où c'est des maths appliquées au scénario. Pourquoi ? Et bah, tout simplement parce que quand tu fais un premier jet, tu fais tes traits de construction, tes mathématiques. Donc ça, c'est tes traits de construction. C'est obligatoire, tu es obligé de mettre des maths en quelque sorte, mais ça peut être... Enfin, moi, j'ai une référence par rapport aux maths parce que j'ai fait un bac S, c'est que je comprends mieux. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est très clair. C'est la structure, quoi. Si t'es un peintre qui veut faire une peinture, il est obligé d'appliquer cette espèce de quadrillage pour faire des perspectives. Exactement. C'est faux, mais il n'est pas obligé du tout. D'ailleurs, il y en a plein qui l'ont non, pas fait. Mais il est obligé de le digérer. Oui. Il est obligé de le connaître. Si machin, c'est comme si tu veux dessiner un bonhomme, t'es obligé de faire de connaître l'anatomie de... Nous, premier jet, on a une heure, enfin on a deux heures et on recoupe, pour écrire un scénario. Donc on est obligé de faire des maths appliquées, on met notre structure, paf paf, on balance nos trucs dedans et tout. Et le deuxième jet, c'est effacer les traits de construction pour ne plus voir les mathématiques dans le film. Tu peux les voir dans le scénario, dans le premier jet et tout, mais pas dans le film. Et j'irai plus loin en disant que premier jet, c'est pas du tout la façon dont j'écris, en général. Parce que je pars pas du tout de trois contraintes et d'un genre et tout. Je pars d'une émotion ou d'un personnage ou d'un concept que je vais aller éclater, etc. Donc c'est une conversation avec mon personnage. C'est pas du tout une structure. Là, le dernier premier jet, par exemple, on se dit... Ah ben là, faut qu'on rallonge l'histoire. Ah ben du coup, on est au midpoint, on est à tel point, tel truc. Il faut qu'on mette ci, qu'on mette ça. J'ai mis, entre guillemets, quand je vois les maths dans le scénario, et après j'ai mis, avec premier jet, j'ai l'impression de faire des maths appliquées. C'est complètement ça. C'est rigolo, oui. Okay. Mais enfin, je veux dire, un auteur, il va forcément avoir des traits de construction. Et tout le travail de l'auteur, ça va être de fluidifier son scénario pour qu'on ne voit pas les traits de construction, pour surprendre le spectateur, pour réussir à l'attraper, à créer de l'émotion à partir de... Puis en plus... Dans le premier jet, on rajoute nous-mêmes des clichés, des trucs comme ça qui sont surutilisés, tu vois. Oui, bien sûr. Donc forcément, tu vois, on n'est pas du tout dans la même construction, tu vois. Quand on écrit ensemble, il y a quand même un gros travail sur la construction, etc. Oui. Et après, on essaie de gommer, machin, et tout ça. Non, mais la construction, justement, pour moi, c'est plus une aide à trouver des idées. C'est pas un truc qui va être sur la page à la fin. Ça va être plus en mode, ah bah là, on est à peu près au midpoint, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Ah, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça. Ah, mais oui, mais du coup, s'il se passe ça, du coup, ce qu'on a écrit avant, ça marche plus et tout, dans la structure qu'on avait mis en place. Oui, mais c'est pas grave, on s'en fout de la structure, tu vois. Si ce qu'on a trouvé est mieux, on remplace et on s'en fout de la structure, tu vois. Mais c'est plus un truc, enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, j'utilise, c'est plus un truc qui va nous permettre de focaliser notre pensée sur. Enfin, c'est un peu la pelle qui va nous servir à déterrer les idées, quoi. Écoute, C'est tu un viens de me aimant. dire que vous Ouais, aviez c'était intéressant ça. deux manières de structurer qui sont complètement différentes. Complètement. Ça n'a rien à voir. Déjà, Alors dites-moi plus, je veux tout savoir. Boris, il a trouvé un système de construction, un schéma en quelque sorte, un pattern Que j'aime bien. qu'il aime bien, dans lequel il se reconnaît et tout. Qui est. Tu veux en parler peut-être un peu? Le temps que j'aille me chercher Le le Harmon cercle Circle. de Dan Harmon? Ouais. Dan Harmon, qui est donc le créateur de Rick et Morty et de Community notamment. Notamment. Et de Harmon Quest, regardez, c'est De vachement Harmon drôle. Quest, bien sûr. Et du coup, lui, il a inventé carrément, le gars, le melon, il a inventé une méthode pour structurer les scénarios. Et il est très attaché à la structure et très attaché à plein de choses, d'autres choses, mais en tout cas, la structure, pour lui, tout passe par ce truc-là. Et en fait, il a découvert que de la plupart des histoires étaient cycliques, plus ou moins. Qu'en gros, on passait tous enfin, dans les histoires, on passait d'un état d'ordre, de chaos pour revenir dans l'ordre, etc. Puis enfin, tout est cyclique à chaque fois. On est d'abord ordonné, puis désordonné, puis enfin voilà, tout est cyclique. Et il y a 8 points clés dans chaque histoire qui reviennent souvent. Si je peux me Donc permettre, tu as très vite fait parler de ça dans ton épisode, mais on ne s'est pas attardé dessus. peut-être. Donc là, c'est très Bon, bien que tu. ah, Très tu cloues la rapidement. parenthèse, sinon. C'est un cycle. Tu vois, c'était un Donc. cycle. C'est bien, c'est Ouais. bien. Et du coup, j'ai découvert ça, et en fait, j'ai trouvé ça très chouette comme outil, justement, pour utiliser, comme ce que je disais, comme façon de me dire, OK, qu'est-ce qui pourrait se passer? Genre, comme Antoine, en fait, j'ai au final une idée, un thème, un personnage ou un truc de base dont je veux parler, et après, j'aime bien utiliser cet outil-là pour essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ton histoire. Et après, évidemment, tu les gommes et tu t'amuses avec, quoi. Moi, j'utilise ce truc-là souvent parce que je trouve qu'il est super pratique, quoi. Et que pour te faire vraiment une idée dès le début de où tu peux aller, c'est super chouette, quoi. Et c'est très visuel aussi. Et c'est très visuel et c'est très. Ouais, voilà. D'accord. Et donc? Et moi, pour le coup, je suis pas fan. Ouais. Et quand j'écris pour moi, je travaille pas du tout comme ça. Je travaille pas du tout autour de la structure et tout. Je travaille vraiment juste, je prends un personnage. Je prends tous les aspects du personnage que j'ai. Par exemple, bah là, c'est une maman. Elle est alcoolique. Elle n'aime pas son mari. Ça fait déjà 3 aspects. Je les prends. Je brainstorm tout ce qui est possible, imaginable d'avoir autour de ça. Je prends tous les points qui collent avec mon personnage. Pardon. À chaque fois que le mot brainstorm sort de ta bouche, pour moi c'est Damien de la Kelly. Mais Waouh. vraiment quand c'est juste ta bouche, Antoine. Tu pouvais pas faire Pas une plus cool. grosse insulte. Moi, je travaille, voilà, je prends mon personnage, je prends tout ce qui est possible imaginable, mon concept, pareil, tous les aspects de mon concept et tout, et je me fais des listes, je me fais des recherches, tout ça et tout machin, et du coup, j'ai la fin de mon film, je la connais, c'est sûr. Boris, c'est beaucoup plus rare. Enfin, Ouais, Boris, lui, il est non, en moi je recherche, connais jamais, ouais, c'est ça. Boris, quand il se lance dans l'écriture de scénario, il est en quête de la fin, alors que moi, je suis la structure, elle est assez simple, j'ai la fin, je débute, je veux juste aller de la fin au début. Et je crée toutes les péripéties de mon personnage en fonction de ce que j'ai découvert dans mes recherches sur le personnage et En ce tout. moment, je suis en train Comprends. d'écrire un long métrage. Oui. Et il y a environ une semaine, j'ai demandé à Antoine de venir, parce que j'étais un peu perdu dans ce que je voulais raconter et la manière et là où j'allais, justement, parce que j'avais pas trop de faim. Et j'ai fait venir Antoine, justement, en train de dire, voilà, c'est ce que je veux raconter. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai toutes ces choses-là. Et du coup, c'était intéressant parce que on a fait le cercle d'Hermione. Mais on a fait aussi ta technique à toi, on a aussi fait des listes. Ok, donc qu'est-ce qui pourrait se passer? C'était la première fois que je travaillais comme ça, parce qu'au final, t'as jamais vraiment imposé ce Mais truc-là. j'expliquerai pourquoi. Enfin, j'expliquerai pourquoi Bah, après. ça m'intéresse, justement, je sais pas Ben, parce pourquoi. que moi, quand j'écris pas mes films à moi, je me pose sur ta façon de faire. Parce que c'est pas un projet qui est intime à moi et tout. Et par exemple, quand j'écris pour toi, je suis plus. Enfin, quand on écrit ensemble, on écrit tes films. Donc, je suis plus à la recherche de ce qu'il y a dans ta tête et ce qu'il faut faire sortir de ta tête que de ma façon de travailler à moi. Donc, les listes, c'est un truc un peu plus. Mais là, du coup, on a Mais fait oui, mais des c'est listes, donc intéressant, c'est plus simple. justement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça trop cool. C'est dommage, de l'avoir sorti que maintenant, quoi. Ben non, mais maintenant, quand c'est un projet un peu lourd comme ça, là, il y avait plein de personnages et tout, tu vois, donc c'est intéressant. Ouais, mais quand même, non. Mais du coup, c'était vraiment intéressant et ça fait ressortir plein de choses. Et ça, du coup, ça a débloqué tout le reste, quoi. Ben, c'est la façon dont on écrit, parce que en fait, c'est pas vraiment qu'on écrit ensemble. Parce que sur premier jet, on écrit un peu plus ensemble, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas un projet à toi ou à moi. Oui. C'est, ça sort d'une part, on s'en fout. Mais quand on écrit ensemble, on écrit sur tes scénarios. Oui. Et donc, du coup, mon rôle à moi, ça va être d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans ta tête qui veut pas sortir. Oui. Après, est-ce que, en soi, quand des personnes écrivent ensemble, est-ce qu'à la base, c'est pas l'idée d'un des deux et pas l'idée des deux en même temps? C'est très rare, en fait, d'écrire comme vous le faites dans premier jet. Généralement, c'est quelqu'un qui a une idée qui dit putain, j'ai envie d'écrire là-dessus, et son pote lui dit vas-y, on écrit. Mais c'est l'idée d'une personne quand même. Je sais pas, j'ai jamais écrit plusieurs comme ça, autrement. On a déjà fait. J'avais fait un film qui était un film choral, où on était trois à écrire, et chacun écrivait sa partie de son côté, et ça faisait un film. Mais ouais, c'est encore différent. C'est tout, quoi. C'est vraiment... Bah, premier jet, c'est vraiment, oui, de toute façon. Oui, mais premier jet, vu que de base, on cherche. On n'a rien. Premier jet, c'est les plus grandes. Non, mais c'est ce que je dis, c'est encore un autre contexte, mais ça n'a pas vocation à être produit. C'est vous qui écrivez ensemble, justement. C'est le contexte même de l'objet. Mais est-ce que vraiment, dans la vraie vie, on veut faire produire un film? Bah, non. Je suis pas sûre que les idées viennent des deux en même temps. Ah, j'en sais rien. Tu vois, je pense pas que tu te dises. C'est très drôle parce que, justement, donc, moi, je lis un livre qui s'appelle. Ah oui, c'est intéressant ça, le truc de la comédie musicale. Oui. Et qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent sur une comédie musicale, que chacun a un rôle différent. Oui, mais. C'est trop intéressant, ça. Oui, bien sûr. Mais. Donc, je lis un livre qui est Comment fonctionnent les comédies musicales et comment écrire la sienne. Et donc, ça m'a fait un petit peu bizarre en commençant le livre, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'auteur, dont j'ai oublié le nom, Julianne Woodford, quelque chose comme ça. Très très oublié comme nom. je suis Julianne Woodford, enfin, je dis quand même oublié. Ce soit ça du tout. Je fais au pif, mais. Dit, donc voilà, si vous voulez écrire votre comédie musicale, faites comme ça, mais il part aussi du principe qu'il est possible que des personnes se soient rejointes en se disant « Tiens, si on écrivait une comédie musicale !» Et il s'assoit et il commence à réfléchir à ce que chacun veut et ce que chacun ne veut pas dans une... Enfin, il y a des techniques très intéressantes pour l'écriture à plusieurs, pour le coup, c'est extrêmement intéressant. Mais il dit surtout, enfin, j'ai vraiment parcouru le truc... tu l'as eu dans les mains 10 minutes. Tu parles complètement en connaissance de cause. Non, mais en fait, ce qui est intéressant avec les comédies musicales, c'est que... Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, t'as plusieurs personnes qui ont un rôle très différent dans les comédies musicales. T'as la personne qui va écrire les paroles, t'as la personne qui va écrire l'histoire, t'as la personne qui va écrire les musiques. Et du coup, en final, dans une comédie musicale, tu peux avoir 3 ou 4 personnes qui vont participer à l'écriture. Ouais, parce que c'est des métiers différents. Exactement. C'est ça. Et donc, soit tu peux tout faire à une personne. Après, souvent, ça se fait à 2 ou 3. La plupart du temps, ça se fait quand même à 2, où tu vas avoir le compositeur ou la compositrice et le librettiste ou la librettiste. Et ensuite... Celui ou celle. Oui, tout à fait, merci. Donc c'est la pas personne le... qui va. L'endroit où tu achètes tes livres, les librettistes. Waouh, t'es fatiguée. Donc le ou la librettiste, c'est la personne qui va écrire en fait l'histoire dans son idée, le déroulement de l'histoire et les dialogues s'il y en a, parce qu'il y a beaucoup de comédies musicales dans lesquelles il n'y a pas de dialogue. Oui. Ensuite, il y a donc la personne qui écrit les paroles qui souvent est soit. La personne à la composition de la musique, soit la personne qui fait le livret. Des fois, c'est une troisième personne à part entière. Librettiste, ça vient de livret. Ça vient de livret, tout à fait. Ça vient c'est de étonnant. Libretto, exactement. Qui veut dire petit livre. Qui, voilà, exactement. Et ben, franchement. C'est vrai, en plus. Mais livret veut dire petit livre en français. Hein. Enfin, bon, je veux pas te vexer, Boris. Mais enfin, dans tous les cas, voilà, moi j'étais très surprise de voir ça, en fait, qu'il expliquait vraiment ce truc de si vous voulez juste vous poser. Vous avez votre team et vous voulez écrire une comédie musicale, bah faites comme ça. Mais je pense que c'est assez rare que ça fonctionne comme ça, en fait. Ou alors... Sauf si c'est une commande. Et là, c'est autre chose. Non, mais moi, ce que je voulais rebondir sur le fait qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent dans une comédie musicale, mais aussi, il peut y avoir plusieurs personnes qui écrivent dans un scénario. Tu peux avoir un dialoguiste qui s'occupe plus des dialogues, mais c'est très rare, quoi. Surtout en France. Mais tu peux avoir 2 personnes qui écrivent au même titre. Un scénario. Bien sûr, tu regardes les frères Cohen. C'est juste... Ouais, je pensais à Toledo No Cash, mais je suis pas sûr qu'ils me posent comme ça, je sais pas en fait. Je sais pas. J'ai peur de parler pour des gens que je connais pas. Dans le premier épisode, tu disais que tu écrivais en partant de toi, et donc que souvent tes personnages à la base étaient masculins, et qu'ensuite tu les transformais en personnages féminins, parce que pourquoi pas. Pour plein d'autres raisons, écoutez le premier épisode, mais parce que pourquoi pas, c'est l'idée. Aujourd'hui, ça a changé. Ouais. Vas-y, dis-moi plus. Ça a changé parce que, à force de faire ça, j'écris directement un personnage féminin. Oui. Je passe même plus par la phase personnage masculin. Maintenant, j'ai quasiment immédiatement un personnage féminin. Sauf certains cas. Enfin, c'est pas. Oui, oui. c'est pas très important, mais par exemple, le long métrage que j'écris, ou des trucs comme ça, ou même sur premier jet d'ailleurs, j'ai un personnage féminin en tête. Ça vient peut-être du fait que durant mon temps à Paris, j'ai plus rencontré des actrices avec qui j'ai envie de travailler que des acteurs. Et que du coup, les films que j'ai écrits ou les derniers courts-métrages que j'ai faits, c'était pour ces actrices-là, etc. C'est justement là-dessus que je veux m'attarder. Intéressant, ça. Est-ce que tu as parfois des scénarios qui sont inspirés de personnes que tu rencontres et que tu as envie de voir jouer? Ou est-ce que c'est plutôt, tu as une idée, mais par contre, les personnages que tu vois dans ces concepts-là sont les personnes que tu as rencontrées? Il y a deux cas de figure. J'ai des scénarios. Par exemple, le scénario de l'autiste, je l'ai écrit bien avant de rencontrer la personne que je voulais pour ce rôle-là. Et quand je l'ai rencontré, c'était une épiphanie. Je me suis dit, putain, mais c'est complètement elle, quoi. Et c'était tellement elle que je lui ai fait lire. Et elle m'a dit, je sais pas trop si je vais me sentir à l'aise parce que je me reconnais trop dans le rôle et tout, machin. Et moi, quand je suis passé en phase de réécriture, et surtout pour l'écriture du court-métrage, bah du coup, je savais que c'était elle que je voulais, et c'est elle que j'avais en tête. Donc j'ai un peu écrit pour elle, en quelque sorte, même si elle a complètement refusé le projet, c'était sûr. Petit à petit, j'ai continué à écrire des trucs par-ci par-là, et j'ai eu cette même épiphanie pour d'autres. Par exemple, le zèbre, je l'avais écrit une première fois, j'ai rencontré l'actrice que je voulais, sans savoir que c'était elle que je voulais. Quand j'ai rencontré, ça m'a fait tilt. Et du coup, pareil, au moment de réécrire et tout, celle que j'avais en tête, etc. Et c'est cette fameuse actrice. Maintenant, je lui ai carrément écrit un film rien que pour elle, parce que j'ai envie de travailler avec elle et que j'aime bien. Et le long métrage que je suis en train d'écrire, ben maintenant, la moitié des personnages que j'ai écrits, j'ai les actrices ou les acteurs déjà en tête, quoi. Donc, leur façon d'être est un peu inspirée de leur façon de jouer ou de ce qu'ils m'ont déjà fait ressentir dans des œuvres dans lesquelles ils ont joué, etc. Je me fais une réflexion quant à la tristesse cinématographique. Pas de tête. C'est horrible ce que je viens de dire. Ouais, mais je suis à deux doigts de quitter le tournage là. C'est ce que je viens de dire. Quant à la tristesse en tant que comédien de devoir toujours jouer des rôles. En fait, si tout le monde. C'est très intéressant. Non, mais je l'ai bien en tête. Du coup, si mais tout le monde pensait comme ça, alors, en fait, en tant que comédien, il faut pas voir ça. Mais j'ai pas négatif. Non, mais je vois complètement la réflexion, et du coup, c'est intéressant, j'ai envie d'en parler. Je vois pas ça comme, du coup, je vais lui refiler le même rôle dans lequel je l'ai vu. Je vais plutôt voir ça dans, genre, cette émotion qu'elle m'a sortie à ce moment-là, sur scène ou quoi. Elle dégage vraiment quelque chose avec cette émotion, j'ai envie de la pousser plus loin, etc. Mais là, par exemple, cette histoire de mère alcoolique, c'est un truc qui a des années-lumière de tout ce qu'elle a déjà fait, tu vois. Enfin, voilà, c'est des trucs comme ça. Donc moi, quand je dis qu'elles m'inspirent dans ce qu'elles ont fait, etc., c'est aussi peut-être je suis inspiré par prendre le contre-pied de ce qu'elle a déjà fait, ou des trucs comme ça. Ça veut pas dire que, du coup, j'ai envie de lui faire faire le même. T'as envie de travailler avec cette personne. Oui, complètement, c'est ça. Oui, d'accord. Voilà. Très bien. Il y avait des choses que je vous avais demandé de faire pour cet épisode. Oh putain. Voilà. Qui c'est était de chacun me poser une question à moi. Voilà. Le melon. Ben non, hein. Je commence ? Vas-y, commence. Je voulais savoir, vu que t'avais fait déjà 10 épisodes de Donne ta patte et que t'as rencontré plein de monde et tout ça, oui. Je voulais savoir à quel point et dans quel domaine, etc., tu avais pu faire évoluer ton approche de l'art ou la vision que tu avais de la création au travers des conversations que t'as eues dans Donne ta patte. Alors moi, je suis un vampire, c'est-à-dire que je me nourris de la vie des autres. Ok. Balance une live. Non, je rigole. Heureusement, je... Petit crucifix. Elle a dit je rigole, c'est typiquement ce qu'aurait dit un vrai vampire. Non, je rigole. C'était de l'humour, Antoine. C'était une... Bon, t'es un vampire, bref. Oui, évidemment. En fait, je pense que... si je dois faire de la psychologie de comptoir, je pense que c'est la raison pour laquelle le processus créatif d'autrui m'intéresse autant. C'est parce que... ça me passionne de voir comment les différents cerveaux peuvent fonctionner. Et en fait, je pense que c'est pas tant... c'est pas tant que je vais m'inspirer du coup du processus créatif d'une autre personne, mais c'est qu'en fait, je pense qu'en comprenant, en essayant du moins de comprendre le processus créatif d'une personne qui travaille dans le milieu artistique, quel qu'il soit, ça me permet de faire un parallèle avec la manière dont moi j'agis. Et du coup, de mieux comprendre ma manière d'agir et du coup, soit de m'en rapprocher, soit de m'en éloigner. Et je pense que c'est ça qui me passionne autant. Parce que de toute façon, on est tous humains, donc on est tous très égocentriques, et qu'on fait les choses que pour nous. N'est-ce pas, Boris? C'est cadeau, ça. Ça, c'est cadeau, tellement gratuit. Non, mais ça, c'est pas plus cher, hein. Après, est-ce que, littéralement, je suis inspirée par le processus très exact d'une personne? Non, je pense pas. Par exemple, bon là, forcément, l'épisode auquel je pense, c'est celui avec Céline, donc qui est le dernier, parce qu'on l'a fait il y a 2 semaines, et que notamment, on a échangé sur la linogravure, qui est quelque chose qu'on fait toutes les deux. On n'a pas du tout la même approche. Voilà, comme on l'a dit, moi, j'ai une approche plus précise et plus lente. Elle est plus dans quelque chose de violent et de... comme un peu un défouloir. En entendant ce qu'elle disait, je me dis pas, tiens, si j'essayais de le faire comme ça, peut-être que j'aurais un autre rendu. Évidemment qu'il y aurait un autre rendu, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Par contre, du coup, ça me permet moi de me questionner sur pourquoi est-ce que j'ai besoin de mettre autant de précision dedans et de prendre autant de temps, et dans quoi d'autre est-ce que moi j'ai besoin que ce soit mon défouloir, dans quel autre art. Et je pense que tout ça, c'est assez nutritif. Ça s'est pas joué par épiphanie? Mais par contre, ça s'est bien digéré. Quoi. Ça rejoint un peu la question que je voulais te poser aussi. Bien sûr, comme par hasard, il n'y a rien d'écrit sur tes notes, tu n'avais pas de questions, Dieu. Regarde, c'est écrit en rébus, mais c'est écrit quand même. Sablier, soleil, Dieu. Tu veux continuer ou je peux... Moi, ça se rebondit un peu, donc... Non mais rebondis. Trampoline, un vrai trampoline. Ça c'est fait. Hop, c'est coché sur la to-do list. Non mais du coup, moi ce que je voulais te poser comme question, c'était quelles sont les choses, toi, quand tu crées, qui t'inspirent? Parce que tu me demandes beaucoup, c'est une des questions qui revient dans quasiment tous les épisodes. Et du coup, vu que tu dis que... Enfin, je pense que de connaître les processus créatifs des personnes, je pense que ça peut t'inspirer aussi. Mais quand tu crées vraiment, quand tu écris, par exemple, ou quand tu... quand tu écris de la musique, notamment, tu écris des paroles de chansons. Tu composes aussi. Quand tu joues, enfin peu importe, mais quelles sont les choses, toi, qui t'inspirent quand tu crées? Alors, c'est une vaste question, c'est une bonne question, ça. Bah, c'est une question que tu poses à tout le monde. C'est vrai que, moi je me pose assez. C'est la base du processus créatif, donc. C'est vrai. Voilà. Alors, du coup, donc, comme je viens de l'expliquer, littéralement, c'est pas vraiment le processus créatif des autres qui, moi, m'inspire. Non, pas t'inspire, mais c'est lié à ça. Mais qu'est-ce qui m'inspire quand je crée? Je pense que c'est très différent en fonction de ce que je fais artistiquement, puisque du coup je suis un peu touche à tout et que ça me plaît, et qu'en fait, alors déjà ça c'est un truc qui est évident, mais c'était d'où ma question du début de l'épisode, c'est que moi pour le coup le fait d'être touche à tout m'inspire dans tout, enfin pour moi c'est un cycle et c'est trop vital de faire un peu de tout, pour moi c'est un cycle et du coup tout va s'inspirer l'un et l'autre. C'est-à-dire que bon, le dessin, c'est pas trop mon truc, mais ça m'arrive d'en faire. Mais si je dessine un truc, ça peut m'inspirer de la lino. En même temps, de la lino, ça va m'inspirer un autre truc. Par exemple, la lino peut m'inspirer des marionnettes. Et une fois que j'ai fait ces marionnettes, et ben, ça va m'inspirer du jeu. Et puis du coup, ça va m'inspirer une scénographie dans ma tête. J'ai un cerveau qui fonctionne de manière extrêmement visuelle. Donc du coup, j'ai tout ce qui peut visuellement m'inspirer, ça va me nourrir et ça va m'aider à créer d'autres trucs. Après, en fonction de chaque truc, tu vois, là, tu me parles du jeu et de comment je compose et de comment j'écris les chansons. Et bien là, pour le coup, c'est 3 trucs inspirants qui sont extrêmement différents. Parce que, ce qui est le plus simple, entre gros guillemets, pour moi, c'est d'écrire des chansons. Parce que je pars de moi, en fait. Je pars de mes émotions du moment et de qu'est-ce que moi j'ai envie de dire. Et après, juste, je réfléchis en rime et puis voilà. Enfin, mais à chaque fois que je vois que quand j'écris la chanson, je commence à m'éloigner de ce que je voulais dire, je me ressens sur l'émotion sur laquelle j'étais, et j'essaie de me replonger dans ce truc-là et de toucher, en fait, qu'est-ce qui, en moi, s'ouvre... Alors, putain, pardon, mais du coup, ça me fait... On sent que t'avais besoin de cette question. Je sais pas, c'est intéressant pour moi aussi, en fait. Genre... en fait, souvent, quand j'écris des chansons, j'ai un rapport très proche au corps humain, parce que ce que je ressens, je le ressens beaucoup physiquement dans mon corps, et donc quand je veux me rapprocher de mon émotion, j'essaie de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, et de mes muscles et tout, pour l'écrire. Mais alors, est-ce que ça c'est pas un truc que tu dis dans le jeu? Tu dis que c'était très différent? Bah ouais, alors ouais, le jeu... En fait, le jeu... ça me pose un peu une colle. Parce que j'ai pas de processus créatif dans le jeu d'acteur. Mmh. Le jeu d'actrice, dans mon cas. Parce que je ne crée pas dans le jeu d'actrice. J'essaye de savoir où est-ce que moi ça me touche et de sortir ça. Mais j'ai pas l'impression de créer. Du coup, je sais pas répondre à ça. Mais pour la composition musicale, qui pour le coup est très proche de la composition, enfin de l'écriture de chansons, pour autant, j'ai pas du tout la même approche où du coup, la plupart du temps, je vais avoir souvent des musiques qui vont... Enfin, je vais trop me dire, j'aurais adoré créer... Enfin, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir faire cette musique-là. Et du coup, je vais les écouter en boucle, en boucle et en boucle. Et en fait, ça va tout de suite m'inspirer. Et du coup, je vais faire un truc qui s'en inspirera énormément. Et des fois, si je veux juste en faire ressortir une émotion... des fois aussi, quand j'écris, j'ai tout de suite un clip en tête. Et du coup, je me dis, donc si je veux que dans le clip, il se passe ça, notamment au niveau du corps et qu'il y ait de la danse ou quoi, je vais faire ce rythme-là avec tels instruments. Et voilà. Mais du coup, c'est très relatif à ce que c'est... voilà, si on parle de couture, bah, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de porter. Je vais trop faire le truc, mais du coup, c'est encore un autre truc. Ouais, mais c'est du encore coup, différent. Ton inspiration, elle sera pas de... Elle sort pas de qu'est-ce que t'as envie de porter, tu vois. C'est genre... Bah, elle part toujours d'une émotion, quoi. Oui, voilà. Mais c'est ça. Mais c'est genre, ah, ça, c'est joli. Ouais. Enfin, voilà. Oui, sûrement. Et du coup, tu le retrouves un peu dans ton jeu d'actrice, parce que ce que tu dis, c'est que tu vas essayer de travailler ce qu'on te... En gros, tu dis que tu créais pas parce que t'as l'impression de suivre une direction. Mais du coup, là, ta partie créatrice, ça va être avec l'émotion que tu vas y apporter. Et du coup, ça part encore de l'émotion, peut-être, toi, non? Ouais. Non, mais si, ça prend sens, ouais. De ouf. C'est pas parce que t'es dirigé que tu crées pas, je pense. Non. Et d'ailleurs, c'est. J'en reviens à l'écriture. C'est pas ce que je veux dire. À l'écriture à plusieurs, c'est pas parce que c'est toi qui dirige l'écriture que je crée pas dans l'écriture. Oui. Ah oui, non, mais c'est certain. Je me sens pas dirigé. Enfin, je me sens pas directeur de l'écriture, quoi. Oui, mais bon. Bref. Mais parce que tu dis que t'as pas l'impression de créer quand t'es actrice. Oui. T'as pas l'impression actrice ou comédienne ou technicienne, quoi, en fait, c'est ça. Pareil. T'as l'impression d'être plus technicienne qu'artiste. C'est pas ça, c'est que je vais pas utiliser quelque chose d'externe pour m'inspirer. Je vais m'utiliser moi-même. Je pense que c'est en ça que je fais la différence. De l'art. Ah, c'est carrément. Mais je dis pas. Ah, c'est carrément. L'art, c'est mais oula, oula. Oui, non mais si, je suis d'accord. Allez. Non mais ta question. Quand j'écris, tu le sais en plus. Oui, c'est vrai, c'est toujours le moment le gênant avec le beurre et tout. Ouais. Ta question de base, c'était qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées. Ouais. Et du coup, je sais pas dire ce qui m'inspire à ce moment-là parce que je crée de ce que je suis. Ah, alors que sur les autres trucs, je prends des inspirations extérieures. Ah oui, donc c'est pas que t'as. Du coup, c'est complètement l'inverse. Tu t'as dit, j'ai pas l'impression de créer, mais en fait, t'as pas l'impression de t'inspirer pour créer quand tu joues. C'est un truc qui vient vraiment de toi. Et ouais, et en même temps, sûrement que si, inconsciemment, que tu bah, t'inspires de toute manière, tout l'acquis n'est pas négligeable dans l'art. Hein, oui. Ouais. C'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. T'aurais dû faire ça à chaque podcast. Ouais, genre interviewer des gens au sujet de leur processus créatif. Ouais, vraiment, j'aurais dû faire ça. Tu devrais faire une émission où, par exemple, c'est le parrain qui t'interviewe. Enfin bon, je propose ça comme ça, mais... Comme ça. Voilà. C'est pas du tout pour revenir dans l'émission que je... Tu veux qu'on fasse un petit bonus, Antoine? Ouais. Donne ta patte 11 avec Mélissa Brazé. Animé par Antoine Maille. Il est temps de finir l'histoire que tout le monde doit continuer. Donc l'histoire que tout le monde a continué, si jamais c'est la première fois que vous entendez un épisode de Donne ta patte ou que vous le voyez, alors le voyez, oui, c'est forcément la première fois, que vous l'entendez, pas forcément. Mais si c'est le cas... Eh ben, vous êtes... vous êtes dans la merde. Attrapez votre retard. L'histoire que tout le monde doit continuer, c'est donc une histoire qui a été commencée par Antoine Maille, si présent. La boucle dans le premier épisode. Commencée. Bah oui. Par Antoine Maille, quoi. Dans le premier épisode. Qui a surtout été magnifiquement continué par toutes les autres personnes. Et qui a été continué d'épisode en épisode, tout à fait, par chaque invité. Moi, si je peux dire un mot, je trouve ça incroyable. J'ai adoré écouter tous ces gens rajouter leur pierre à l'édifice. Je me suis senti même. Comment dire. Humble. Non. Frileux, j'avais un peu froid à ce moment-là. Non, non, mais enfin, je trouve ça trop cool. Ils sont partis hyper loin et tout. J'aurais jamais cru qu'on serait partis aussi loin. Mais moi non plus. Hein, donc, je suis trop content. Je trouve ça génial. Bah, trop cool. Sachant que je tease un petit peu déjà, il y aura un épisode bonus avant la deuxième saison qui sera très long. Pardon ? Puisque ce sera l'ajout de tous les bouts d'histoire que tout le monde a continué. Alors ça... Si vous avez le courage de m'écouter, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà. C'est du gros taf, là. Hein. Bah, déjà, là, sans nous, je vous le dis, hein, sans nous, il y a 1h20. Oui, c'est ça, exactement. Pour l'instant, ça dure 1h20. Et avec nous, il y a 2h40. Est-ce qu'on résume toute l'histoire ? Je ne suis pas sûre. C'est le moment de mon happening que... C'est le moment de ton happening ? Eh oui ! Il n'y a pas besoin. C'est le moment de... Eh ben, on a hâte. Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Le mec, il est parti à Paris pour faire ses études, et il est revenu en mode burn-out, quoi. Et quand il revient, les gens, ils se disent « C'est toi, Damien, de la cage. T'as monté un super concept qui a trop marché à Paris, et tout, tu t'es fait des couilles en or. Pourquoi tu reviens à Bordeaux ?» T'as Damien de la cage qui va pour choisir sa sauce tomate. Du coup, il tombe sur la folle. Il se rend compte que la nana parle aux canettes de sauce tomate. Sans faire exprès, en fait, il fait tomber une canette de maïs. Du coup, la nana se retourne. « Ah non, non, non, mais Jérôme !» Et elle ramasse la canette de maïs. Puis la nana le voit. Elle fait « Ah, mais t'es Damien de la cage ! Putain, ça fait super longtemps !» Puis du coup, elle l'invite à une soirée. Chez elle, il y a des objets partout, tu vois. Damien, en arrivant, il voit qu'elle parle toute seule, visiblement. Émilie, copine de Rosette, arrive à ce moment-là, tu vois. Bon, voilà, je t'explique. En fait, elle croit que les objets parlent. Donc, fait semblant. Il est pas bien. En plus, il connaît pas ses filles, en fait. Donc, il va partir, en fait. Il rentre chez lui. Il passe une nuit horrible. Comme il est trop intrigué, il va aller observer Rosette chez elle. Il voit Rosette qui parle littéralement à son cendrier. Il est tellement scotché par ce qu'il voyait que, tu vois, il s'est fait griller comme un débutant. Et Rosette, elle prend ça bien, quoi. Elle fait rentrer, elle sert un thé. Rosette, les objets ne parlent pas. Elle dit quoi ? Tu crois que la chaise sur laquelle t'es assis, elle parle pas ? Elle commence à lui expliquer qu'elle a fait des études de biochimie et de ferraille et de mécanique quantique. Il prend un objet, par exemple une peluche, puis il commence à tâter la peluche un peu et il se rend compte qu'en fait la peluche elle est molle mais qu'au milieu il y a de la ferraille. Il fait mais tu te fous de ma gueule en fait, c'est juste que toi t'as fait tes études de mécanique machin là, c'est pas dans ta tête qu'ils sont animés, c'est toi qui les animes. Émilie arrive. Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous touchez ces peluches et tout ça ? Émilie, où est-ce que t'habites, toi ? J'habite ici. Damien va aux toilettes, il prend la porte à droite, et là, il découvre mais vraiment un bureau de mécanique. En fait, c'est Émilie qui l'a en folle, en fait. Damien, il va rejoindre les filles, le ton monte entre les filles, et puis ça commence à partir sur les mains, quoi. Rosette comprend pas, elle essaye de s'échapper. Émilie, sur un excès de colère, elle pousse Rosette, quoi. Et Rosette tombe par terre, elle se racle complètement la gueule contre une table, et on voit toute sa moitié du visage arrachée. Et c'était un cyborg. Donc il essaie de s'enfuir, mais la porte est fermée à clé. Et il se retourne et il voit Émilie qui est face à lui et qui essaie de lui dire « Bah viens, on va discuter en fait ». Elle était aussi dans le même collège que Rosette et lui. Et qu'en fait, elle était amoureuse de lui. Il l'a jamais calculé, tu vois. Elle lui a envoyé un papier en cours avec marqué « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Coche oui ou coche non. Il l'a ramassé, il l'a mis à la poubelle mécaniquement. Et du coup, elle part en courant dans sa chambre pour pleurer, machin. Du coup, Damien, il essaie d'aller voir Rosette quand il s'approche et il voit qu'elle bouge pas trop, et du coup il s'approche encore un peu, et en fait Rosette se jette sur lui. Puis tout d'un coup, plus rien. Damien se réveille. Soudain, la lumière s'allume. Damien se voit alors attaché à un lit. Il hurle, mais aucun son ne sort de sa bouche. Émilie dit « Après ce que Rosette a fait, j'ai dû te ramener à mon atelier pour te rafistoler. Rosette s'est enfuie et je n'ai pas réussi à la retrouver, je ne sais pas où elle est. Est-ce que tu m'as transformé ?»« Quoi ? Non, bien sûr que non !» dit-elle d'un air outré. « Je t'ai sauvé la vie. » Il demande à Émilie de le détacher. Et au moment où Émilie lui enlève ses attaches, Damien se jette sur Émilie, la pousse, et s'enfuit de cet endroit. Au bout d'un moment, il se retrouve seul, à moitié nu, dans la forêt, dans la nuit sombre. Il marche jusqu'au petit matin. Et au petit matin, il va voir Rosette qui va réapparaître. Lui, il est tellement dans un état de choc. Rosette a dit, au bout d'un moment, on va rentrer chez toi et on va essayer de trouver des solutions. Et il rentre chez Damien, du coup. Damien va faire du thé. Rosette lui dit de toute façon que Émilie ne lui aurait pas laissé le choix quoi qu'il arrive. Qu'elle l'aurait à un moment donné humanoisé. Parce qu'elle a de la rancune par rapport à cette histoire d'amour là non résolue. Et Damien se dit mais comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se manifester chez moi ? Et Rosette se lève en fait. C'est plus Rosette, c'est Émilie qui contrôle Rosette depuis chez elle. Du coup Rosette se lève et décoche une espèce de mandale point droit à Damien. Blam ! Damien s'écroule au sol. Rosette, qui est contrôlée par Émilie à distance, continue à le tabasser. Et Damien, je sais pas comment, arrive à se dégager de l'emprise de Rosette. Il ouvre la porte de ses chiottes. Ah, il pousse Rosette à l'intérieur et il l'enferme. On entend Rosette qui frappe. Et Damien est complètement désarçonné et il s'effondre en larmes contre la porte du coup des toilettes. Il y a Rosette qui est toujours en train d'essayer de défoncer cette porte. Il prend son téléphone portable qu'il avait gardé dans sa poche et en ouvrant la porte des toilettes vite, il la prend en photo avec le flash et ça fait complètement bugger Rosette qui passe d'un stade mi la vraie elle-même, mi un peu robot, mais elle est quand même dominée par son côté sympa du début et d'elle-même, et elle décide d'aider Damien à s'échapper. Bon, bah allons-y alors. Je suis très très t'inquiète, que tu fais ça. C'est très touchant parce que c'est agréable de voir cette, t'as pris part à ça comme ça, et que genre parce que des fois je me dis que le, enfin, je sais pas comment mettre les mots là-dessus. Ouais, bon, oui. Mais parce que j'arrive, ça je sais pas parler. Mais en gros, tu sais, depuis le début, je fais mes trucs et tout, j'invite des gens. Genre, je sais qu'il y en a, ça, ils aiment bien écouter, machin. Mais du coup, de sentir que toi, t'y as pris part comme ça et que t'y as mis ton truc, ça me fait très chaud au cœur. Et ça me fait très plaisir. Je veux pas rien. Voilà. Je prends mon rôle à cœur. Du coup, j'ai pas du tout besoin de résumer. Non, non. C'est et toi, parfait. T'as eu un énorme tilt sur le oui-non. Oui. Qu'est-ce que c'est? Sur le oui-non. Quoi? Ouais, au moment où elle a dit, elle lui a envoyé une feuille, oui, non, elle est amoureuse, ouais, et lui, il l'a jeté à poubelle. Oui, tout à fait. Du coup, on part, on y va. Allez, c'est parti, on y va. On plonge dedans, allez, on plonge dedans. Va, okay. Bon. Bref, moi, je me suis demandé si ce truc, oui, non, le fameux mot, est-ce que tu veux sortir avec moi, c'est ça? Oui, non, qui a fait, en fait, qui est tout le déclencheur de l'arc narratif du personnage d'Amy. Oui. Oui. Je me demande si c'est pas la résolution de l'histoire qui coche, en fait, le fait de cocher une des deux cases, que ce soit oui ou non, résolve totalement le. Il y a un truc binaire avec les robots en plus qui peut. Peut-être, mais je sais pas. Enfin, je pense que du coup, ce truc-là, il est important pour la fin de l'histoire, quoi. Mm. En fait, il va se rendre compte à la fin que putain, mais en fait, tout ce qu'elle veut depuis le début, c'est que la raison, ouais, c'est ça. Qu'en fait, tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être c'était une réponse. C'était en fait avoir une réponse. Sur ce foutu papier. Et c'est du coup, est-ce que. Ma question, c'est est-ce que le papier existe toujours ou pas? Bah, c'était non, il l'a jeté à la poubelle. 8 ans jeté à la poubelle. Mais est-ce qu'il l'a jeté à la poubelle, justement? Si. Enfin, je sais pas. Franchement, elle dit il l'a jeté machinalement. Il sait même pas. En fait, si. Ah non, ouais, parce que lui. Parce que toute la deuxième partie de l'histoire, ça peut être lui qui essaie de retrouver ce papier, tu vois. Ah. Non, mais parce que, pas, parce qu'en plus, c'est Émilie qui dit il l'a jeté machinalement, ouais. Donc on est du point de vue d'Émilie. Ouais. Par contre, pourquoi lui l'aurait pas arrêté en disant mais non, attends, en fait, je l'ai encore. Mais c'est elle, non, elle lui a mais dit. Non, les gars, par contre, là, sinon on va tout démonter. En fait, lui, il sait même plus qui c'est. Mais oui, c'est ça. Donc on peut pas dire qu'il l'a gardé le papier. Ouais, moi je suis d'accord. Non, mais c'est moi je brainstorm. Je suis d'accord. Le but n'est pas du tout de modifier ce qui a été fait jusqu'ici, c'est de terminer l'histoire. Donc, moi je trouve ça cool cette idée de, en effet, tout ce qu'elle veut c'est une réponse. D'accord. Par contre, ça ne peut pas être Damien qui a gardé le papier. Non, mais il en refait. Damien qui va le trouver. Voilà, mais il peut comprendre qu'en fait elle attendait juste ça et que et en refaire un, il n'y a pas de souci. Mais pas l'avoir gardé, quoi. Il se souvient pas d'Emilie. Donc, aucun problème. Voilà. Pas de souci. Damien, c'est un robot, on est d'accord? Non. Alors oui. Il n'a pas été humanisé. Mais si, il l'a été. C'est un cyborg. Mais il n'a pas la puce de contrôle. Ouais, voilà. Mais en plus, Damien, il retourne chez lui là. Parce qu'il était parce pas bien qu'il cherchait un truc, tu vois. C'est le premier truc qu'on dit, c'est qu'il cherche un truc. Ouais. Bon, après, on est parti sur des histoires de robots. Il cherche un truc? Ouais, en il fait, cherchait il avait quelque chose. Truc, quand il était à Paris. Ah oui. Il n'avait pas ce truc de la vente qui le rendait heureux. Et il sait pas, voilà, c'est ça. Et il sait pas ce que c'est, tu vois. Et justement, toi, le premier truc que tu avais dit, c'était peut-être qu'à la fin, il découvre en fait ce qui lui faisait heureux, quoi. Ce qui lui faisait heureux, non, mais bien sûr. Tu as dit, je pense que la recette du bonheur, c'est justement le fait qu'elle entende les objets. Mais pour le coup, on était que sur la structure et pas sur des personnages trop. Oui, quand même. Donc Émilie transforme. Mais c'est ce qui manque beaucoup à l'histoire. Hein, ouais, c'est, pas grave, c'est normal. C'est pas grave, c'est ce qu'il faut faire en deuxième plan, mais on n'est pas là pour ça. Là, pour conclure la structure. On fait gagner Émilie. Donc on part du principe qu'Émilie gagne. Ça veut dire que ce qu'elle voulait, elle l'obtient. Ce qu'elle voulait, c'était l'amour de Damien. Donc sur le papier en question, il y aurait coché oui. Ça me va et en même temps, ça me. Alors attends. Parce que du coup, ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est que. je trouve ça moralement, enfin pas moralement dans le sens sociétal, au niveau de la morale du film, un peu con de dire oui, tu peux contrôler les émotions de la personne que tu aimes. Non, pas si, ce qui, si la raison, enfin... La raison pour laquelle il coche oui, c'est pas forcément la robotisation, ça peut être autre chose. Peut-être qu'elle a un dilemme, genre, elle obtient ce qu'elle veut, c'est-à-dire l'amour de machin, mais c'est un robot, donc c'est pas de l'amour, c'est pas une émotion qu'elle a. Mmh. Du coup, elle éteint la robotisation, ce qui veut dire qu'elle perd Rosette. Mais qu'est-ce qu'elle attendait de Rosette? Pourquoi elle l'a transformée? Mais en fait, elle attendait rien de Rosette. Hein. Rosette est morte. Hein. Bah Rosette, non. C'est un robot maintenant. Bah non, mais... Donc si elle éteint la robotisation, ça veut dire que Rosette redevient la nana dépressive. Bah pas forcément. Moi, pour moi, Rosette, c'était coup, genre son premier test, tu vois. Ouais, peut-être qu'en éteignant la robotisation... C'est ce que Céline a dit, ouais. Peut-être qu'en éteignant la robotisation, elle se rend compte que les émotions sont plus fortes, sont plus importantes que le fait de paraître ou d'être artificiellement oui, ça, heureux. Ça me plaît un peu plus. Déjà. Et du coup, c'est ça qui l'a fait gagner avec Damien. Mm. Parce que du coup, Damien, il finit par mettre un oui. Genre, sur le papier, il y avait écrit, c'était quoi, c'était tu veux sortir avec moi? Ouais, un truc de collège, quoi. Parce que ça pourrait être genre, est-ce que tu veux venir au Cinoche ou au resto avec moi? Et du coup, lui, il accepte de lui laisser une chance parce qu'elle a fini par accepter d'effacer la réutilisation et de... Mm. Après, c'est compliqué parce que du coup, là, pour l'instant, Émilie... on la kiffe pas trop, quoi. Mais c'est pas grave. Bah, dans le sens où Damien non plus, quoi. Oui, mais ça, c'est pas grave. En fait, on kiffe personne. Parce que si elle a une rédemption, déjà, Damien... Si elle a une rédemption, Damien... Y a pas forcément genre, oui, je vais t'épouser, mais j'accepte que tu prennes une deuxième chance parce que tu as laissé une deuxième chance à Rosette, parce que... On est d'accord que les objets qu'elle entendait au début, c'est pas vraiment des objets, c'est d'autres robots que Émilie avait construits, c'est ça? Et qu'elle était capable de communiquer avec eux en wifi. C'est surtout qu'à force de parler avec des objets, elle a fini par s'imaginer que tous les objets pouvaient parler. Oui, voilà. Et c'est une folie de robot. Voilà. Quoi. Ça, c'est pour dehors. Par contre, en ce qui concerne chez elle, oui, c'est ça. Très bien. Mais du coup, peut-être que Rosette, elle a une révélation du fait qu'elle peut être consciente. Ok, ouais. Et que ça, c'est l'endroit où ils vont. Ok. Du coup, ça nous fait le prétexte du départ. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est débrancher le générateur Mais du coup, mais il y a pas de menace, tu vois. Si, bah il y a carrément une menace dans le sens où Damien ne peut pas être sûr que Émilie ne peut pas le contrôler. Nous, on sait en tant qu'omniscient que c'est parce qu'elle a pas eu le temps de lui mettre la puce et qu'il s'est réveillé avant. Ouais. Mais lui, il peut se dire j'ai vu que Rosette était sous C'est mis en place à aucun moment ça cette puce. Le fait qu'il ait pas la puce, c'est genre si. Rosette qui lui dit tu dois sûrement pas l'avoir. Ouais, c'est ça. Parce que ça se trouve, il l'a, mais elle n'est pas encore download, et du coup, ça nous fait un timer. Mmh. Ouais, hein. Mmh. Du coup, il y a une menace. Ouais, genre... genre, elle s'apprête à activer... Elle fait un WeTransfer sur sa puce. Ouais, voilà. Non, mais genre, elle va activer un truc qui va activer la puce de Damien pour qu'il tombe amoureux d'elle, quoi. Mmh. Par exemple, ok, t'as le truc, le fait que t'as Damien qui a pris en photo... Rosette. Il la met sur Instagram, ça cartonne. Non. Ok. Ça a bousillé des trucs à l'intérieur d'elle. Ouais, waouh, c'est vraiment pas de la bonne technologie. Hein. Non, mais genre, ouais, hein, voilà. elle utilise que des trucs à photons ondulatoires. C'est énorme. Et avec des flashs de photos, ça neutralise bah, complètement ouais. Le truc. Ah ouais, putain. Et bref, là. Et du coup, ce truc-là, ça fait que Rosette, elle va mourir bientôt, quoi. En fait, il y a deux timers. Il y a le timer de Rosette qui va mourir et le timer de Damien qui va... Dans les deux cas, il faut aller chez le véto. Et dans tous les cas, ouais, y a ce truc-là. On a Rosette qui vient de se faire flasher avec un appareil photo. Ouais. D'accord. Le fait de faire cette action, de flasher Rosette, ça a fait griller un composant essentiel à la survie de Rosette. D'accord. D'accord. C'est un composant qui... Enfin, ça le rend défectueux. Voilà. S'il est grillé... Il est défectueux dans le sens où ça la rend plus humaine, ça enlève son côté robotique, mais d'un autre côté, ça fait qu'elle est mourante. Donc, pour arrêter le décès de Rosette, il faut soit désactiver ce composant, soit le retirer. Donc ça, c'est le premier compte à rebours. Timer numéro 1. D'accord, quand on parle de compte à rebours, c'est une menace qu'il faut vite éliminer, c'est genre une bombe qu'il y a sous la table ou peu importe. Oui. D'accord ? Dans le coffre. C'est la cabinette. Exactement. Donc, ça, c'est le premier compte à rebours, c'est ça. Ensuite, deuxième compte à rebours, c'est le fait que Rosette redevienne humaine. Oui. Elle a des informations en plus qui étaient bloquées par le fait qu'elle était robot et que justement dans sa programmation, tu dois avoir Emily qui a dû lui mettre. Elle chope en wifi tout le réseau de l'appartement d'Emily. Peu importe. Mais bon, bref, elle a des nouvelles informations qu'elle était incapable de dire ou accéder quand elle était robot. Donc là, maintenant, elle en a accès. Elle a plus le filtre en aussi. Et elle lui dit oh là là, mais en fait, je sais ce qui se passe. En fait, Emily, là, elle a lancé un protocole qui va faire que dans 45 minutes, tu vas tomber amoureuse d'elle. Et tu vas enfin pouvoir cocher le oui sur la feuille « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» D'accord. Qui était le truc qu'elle voulait depuis le début. D'accord. D'accord. À la fin, ce qui se passe, t'as Emily qui va les retrouver, pour une raison, voilà, on ne sait pas, mais qui va les retrouver et qui va se rendre compte qu'en fait, elle a deux possibilités. Elle laisse terminer tous les protocoles. Et Damien tombe amoureux d'elle. Damien tombe amoureux, mais Rosette meurt. Soit désactive et Damien ne peut pas tomber amoureux d'elle, mais elle sauve Rosette. D'accord. Et du coup, elle choisit de désactiver, Rosette, ça fait sa rédemption, et du coup, Damien lui dit « Bon, allez, je te laisse une dernière chance, en plus, je suis copain avec Rosette. » Ok. Ça, c'est notre fin. C'est clair ou pas ? C'est très clair. La raison pour laquelle Emily, Damien et Rosette se retrouvent tous ensemble, c'est quoi ? Est-ce que du coup, en voiture, ils vont chez Emily pour débrancher le générateur ? Ben non, mais juste, ils vont clairement menacer Emily et la faire débrancher le truc. Enfin, le but, il est là. Mm-hmm. Ils la menacent, voilà, tout simplement. Mmh. Ouais. Je sais pas. Si, non, mais non, mais si, bien sûr. Mais pour moi, ils la menacent pas, même pas. Moi, pour moi, les gens, peut-être, ils font un petit. Pour moi, ils s'infiltrent chez elle, tu vois. C'est la battle finale. Pour moi, ils ont un plan qu'il faut mettre en place et qu'il faut dérouler. Genre, ils vont dans sa cave, ils savent que le truc, il est dans sa cave. Et du coup, leur but, c'est d'infiltrer la cave d'Emily. Tout se passe bien jusqu'à, bim, les lumières s'allument. Et t'as Emily qui est là dans son costume robot. Avec des pinces. Elle retourne le siège avec un chat robot. Merde. Tudu. Et battle finale. Bah, du coup, non. Enfin, il n'y a pas de battle finale, mais genre climax. Non, mais rédemption finale, voilà. Machin. Et ça termine sur eux deux qui boivent un verre et ça ne matche pas du tout. Ils disent bon, bah écoute, ça ne marche pas. Non, mais, moi, je vais y aller. Oui, pardon, t'as raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai pété un plomb. Et ben, je crois que c'est la fin de ce film qui s'appelle. Définitivement terminé. Qui s'appelle. Sandwich à la Rosette. Et merci à tous pour cette. Expérience de ça scénarisation. Ça nous a donné du fil à retordre sur la fin, mais. Non, c'est très bien. Mais c'est très cool. C'est cool. Eh ben, merci beaucoup d'avoir fini cette histoire. Merci. Plaisir. D'avoir été là pour le final de cette première saison. C'était un plaisir. Et d'avoir été là toute l'année aussi. Ah. Et d'avoir été là dans la vie en général. C'est vrai que moi, en tant que parrain, j'étais très présent. C'était une jolie chose de vous avoir. Sauf pendant le confinement, mais. Il paraît que t'as pas mal d'actu, Antoine. Ah oui, mais la dernière fois, j'ai dit j'ai rien à dire et tout. J'ai des trucs à dire. Aujourd'hui. Ouais. Alors déjà... Mal. Bah déjà, il faut suivre Premier Jet. Ouais, bien sûr, écoutez notre Premier Jet. Podcast avec Boris. C'est un podcast qui est disponible sur toutes les applications de podcast, tout comme de ta patte, en fait. Trois petits points. Bon. Déjà, il y a mon court-métrage « Je suis venu jusqu'ici oui. » qui sera diffusé le 8 octobre. Il sera projeté à Rouen, au festival Tournécourt. En vrai, je ne suis pas sûr que ce soit possible d'y aller. Mais bon, si vous êtes à Rouen, venez, on va boire un verre, moi j'y serai. Mais plus important, et là j'ai reçu le mail aujourd'hui. Alors j'ai appris ce matin que mon court-métrage « Je suis venu jusqu'ici » dont on a parlé, l'histoire avec la petite patineuse, a été sélectionné au concours « À ton cours ». C'est un concours France Télé. France 3, plus précisément. Trop bien. Donc, il y a 30 courts-métrages qui ont été sélectionnés dans un panel. Le mien en fait partie. Et ils vont en garder que 15 qui vont passer devant un jury de professionnels. Et les derniers sélectionnés après ces 15-là seront diffusés sur France 3. Et si j'en parle, c'est parce que vous pouvez m'aider, chers auditeurs. Puisque sur le site À ton cours, il y a tous les courts-métrages qui sont disponibles. Et on peut voter. Et les 15 qui ont reçu les votes les plus importants feront partie des 15 finalistes pour passer devant le jury. Donc je vous invite. Donc votez en masse. Je vous invite. C'est quoi le site dans ton cours, ce sera dans les show notes. Description. Par contre, c'est jusqu'à quand ? Voilà, donc on a jusqu'à. Demain. Non, on a jusqu'au 15 octobre. La phase de vote se terminera le 15 octobre. D'accord. Donc je vous invite à aller voter pour mon court-métrage s'il vous plaît, si vous voulez. Et le regarder aussi tant qu'à faire. Et jetez-y un œil pour ceux qui ne l'ont pas encore vu parce que j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Instagram pour avoir des nouvelles de ça et pour aussi avoir des nouvelles de mon documentaire du coup que j'ai réalisé pendant le confinement, oui. Qui s'appelle Mon Confinement. Je suis en train de terminer la post-production. Et j'ai plus ou moins signé avec une, Une plateforme de streaming. Mm. J'ai plus ou moins signé avec une plateforme de streaming pour qu'ils soient en ligne, donc je vous tiendrai au courant pour ceux qui ça intéresse aussi. Voilà, mon actu, je suis très content d'avoir un peu d'actu. Merci. Incroyable. Et toi, Bobo ? Ben moi, c'est un peu plus calme qu'Antoine, hein. Mais bah non, bah, je suis encore là, je suis en phase d'écriture de plein de trucs. On va tourner un court métrage bientôt. Voilà. Bah, on peut au moins te retrouver sur Instagram. On peut me retrouver sur Instagram. Ouais, ouais. Sur Instagram, si ça vous intéresse. Juste comme ça, c'est bientôt le Inktober, non ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que souvent Boris est très actif pendant Inktober. Ouais, je fais souvent des dessins tous les jours, du coup. Donc voilà, mon Instagram c'est @borisdlh, comme mon Twitter et tout le reste. Mais bon, Instagram c'est quand même là où j'officie le plus. Mm-hmm. Donc voilà, je fais des dessins, je fais plein de trucs. Donc si ça vous intéresse, allez voir mon Insta. Et comme ça, en plus, vous êtes tout comme Antoine au courant de toutes les actualités. On est du coup évidemment sur Premier Jet, donc ça c'est l'actualité principale. Donc c'est là où on est le plus souvent. Et voilà, et sinon c'est vraiment vrai que beaucoup de work in progress. Donc il y a toujours la chaîne de Boris et Gabi quand même. Il y a la chaîne de Boris et Gabi évidemment, que je fais avec monsieur Gabriel. Si vous avez encore rien vu, il y a une dizaine de vidéos. Ouais, il y a plusieurs choses là-bas, donc allez voir. On a des choses plutôt chouettes en tout cas. Hein. Voilà. Donc voilà, et puis sinon plein de choses qui vont, j'espère, arriver bientôt, mais pas, on l'espère pas aussi. Pour l'instant. Et toi, Mélisse ? Et moi ? Mélisse ! Donc quand t'as donné ta patte, vous pourrez le retrouver comme d'habitude sur toutes les applications de podcast. Vous allez retrouver un épisode bonus, comme je l'ai dit, qui regroupera toutes les histoires que tout le monde a continuées les unes à la suite des autres, qui va durer une bonne heure et demie en tout. Et ensuite, on se retrouvera pour le premier épisode de la saison 2, qui ne sera qu'en octobre ou novembre, avec des nouvelles personnes, des nouveaux métiers, un nouveau parrain aussi. Oh non ! Oh, ça me fend le cœur ! Mais je suis ravie de laisser ma place à quelqu'un d'autre pour qu'il vive le même plaisir que moi. Oh, bah, tu seras toujours le premier parrain de Danuta. Évidemment. Vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram, @donetapat_podcast_. Alors, ça voulait rien dire, du coup, il n'y a pas underscore après podcast. J'y ai pensé quand elle l'a dit. Vous pouvez retrouver moi ainsi que Donne ta patte aussi sur ma chaîne YouTube qui est Mélissa Brézé. Mélissa_Brézé. Non, c'est Mélissa Brézé. Me retrouver moi-même sur Instagram @Mélissa_Brézé. Sur Twitter @MBrézé. Bon, ça change partout. Hein. Tu pourrais pas faire un truc. Je nulle part parce que je n'ai rien créé en même temps. Et encore, à la base, il y a encore un mois de ça, mon Insta était Méline BZT et c'était encore plus. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir suivi, si c'est votre cas, sinon je ne vous remercie pas. Sinon, allez bien vous faire foutre. Allez brûler en enfer. Non, merci beaucoup d'avoir suivi au moins cet épisode, si ce n'est plus. N'oubliez pas de partager le podcast, d'en parler autour de vous, de mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast et des commentaires. Ça rapporte beaucoup. Si vous n'avez pas de compte Apple, partagez en fait. Ouais, juste. Partagez, parlez-en. Si jamais ça vous a plu, parlez-en autour de vous, vraiment. Vraiment. J'espère que si vous faites partie des gens qui ont visionné cet épisode, j'espère que vous n'avez pas trop vu l'arrière de ma tête. Vous êtes les plus courageux. Parce que c'est vrai, moi, des moments, j'étais comme ça. Et que les cuts, elles n'étaient pas insupportables. Et que les moments de coupe. Tu vas le mettre en entier, comme ça. Allez, 4 heures. 3 heures. Mais merci beaucoup. Et puis, à très bientôt, dans quelques mois.